francebleu.fr, le site internet de votre radio en Sarthe. francebleu.fr. Toute l'actualité de la Sarthe. Abonnez-vous au podcast sur francebleu.fr. Réécoutez les chroniques, les émissions, les journaux, les reportages. francebleu.fr. francebleu.fr. La météo, les pronostics hippiques, l'horoscope, le programme télé, toutes les offres d'emploi. francebleu.fr. La musique, le cinéma, les spectacles. Écoutez France Bleu Maine où que vous soyez sur francebleu.fr. francebleu.fr. Le site internet de France Bleu Maine. France Bleu Maine, supporter numéro 1 du MSB. Mansarte Basket. Samedi 4 avril, venez soutenir le Mansarte Basket face à Paris-le-Valois. MSB, Paris-le-Valois, samedi 4 avril, à Antares-au-Mans. MSB, l'envie de gagner ensemble. Information www.msb.fr. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Maine. France Bleu. Toute la matinée, France Bleu Maine est en direct de Sablé-sur-Sarthe. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct du pub Élysée à Sablé-sur-Sarthe sur la place Raphaël Élysée. Tous les ingrédients sont là pour passer une belle matinée. Les croissants, l'ami Polo aussi, l'humoriste évidemment, puisque nous sommes à Sablé, va nous accompagner jusqu'à midi. On se retrouve dans quelques instants pour un début d'émission autour du patrimoine touristique architectural du pays de Sablé. Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut visiter, les animations loisirs proposées, on en reparle avec nos invités dans quelques minutes. Vous écoutez France Bleu Maine, première radio dans le cœur des Sartois. Il est 9h. En raison d'un appel à la grève par plusieurs organisations syndicales portant sur les difficultés budgétaires et la défense de l'emploi à Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. One thing I can La météo en Sarthe, c'est pas terrible aujourd'hui. Des précipitations faibles ce matin et des pluies continuent dans l'après-midi. Un temps gris pluvieux, ça sera d'ailleurs le cas aussi demain samedi. Et pour le dimanche de Pâques, ce sera plus frais, mais beaucoup plus ensoleillé avec un soleil généreux pour le lundi de Pâques. Du côté des températures, cet après-midi, on va pas dépasser les 9 degrés du côté de Ciel-Guillaume. 10 à Mamers, 11 pour Le Mans, pour Sablé-sur-Sarthe aussi, où nous sommes en direct aujourd'hui. La météo avec le Spécifique Zoo. Animaux rares, présentation ludique et pédagogique, nombreux enclos de contact. À découvrir tous les jours à Spé. Plus d'infos sur www.zospé.com. France Bleu Maine, en direct de Sablé-sur-Sarthe. Et bonjour à tous, bienvenue en direct du pub Élysée, ici à Sablé-sur-Sarthe. On profite de notre venue à Sablé en ce début de printemps pour vous proposer une émission autour du patrimoine touristique et architectural du pays de Sablé et de la vallée de la Sarthe. Que visiter, que voir, quelles sont les animations loisirs proposées, les rendez-vous culturels. On en parle ce matin avec le président de l'Office du tourisme de Sablé, Jean-Claude Ragaru, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, Marie Fourier, bonjour. Bonjour. Conseillère en séjour, on fera la part belle aussi au tourisme fluvial sur la Sarthe. Vous savez qu'il y a un port ici à Sablé-sur-Sarthe et vous pouvez louer des embarcations pour vous promener plusieurs jours sur la Sarthe et pas que. Émilie Pierre, co-gérante d'Anjou Navigation, est avec nous aussi ce matin. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Bon, il fait pas très beau ce matin, Jean-Claude Ragaru, mais c'est pas grave, il y a plein de choses à faire à Sablé, même quand il pleut. C'est pas grave, quand il pleut, bah, y a des tas de choses à visiter à l'intérieur. Depuis l'église Notre-Dame et ses vitraux célébrissimes, jusqu'au musée de l'aérostation à l'homme volant, que je connais particulièrement bien. Oui, celui-là, est cher à mon cœur. Et puis, avec un parapluie ou un ciré, on peut se promener dans les rues de Sablé. Surtout que, pour l'instant, on n'a même pas besoin de tout ça. Ça mouille un peu, mais très peu. Oui, voilà. Ce qu'on va faire ce matin, c'est vraiment ça, pour les Sartois qui nous écoutent, c'est découvrir ou redécouvrir le pays sabolien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les incontournables, évidemment, quand on regarde comme ça, quand on tape dans un moteur de recherche, même sur Internet, évidemment, il y a Solesmes, déjà l'abbaye de Solesmes. Tout à fait. Bon, il y a Solesmes, bien connu. Il y a d'autres choses bien connues sur le territoire sabolien, sur le pays de Sablé. Mais tous les lieux bien connus, on peut très bien les découvrir et les redécouvrir par l'intermédiaire de l'Office de tourisme et préparer son voyage. Ou bien on peut être un touriste de type erratique, c'est-à-dire un peu poète, un peu comme moi, c'est-à-dire arriver, se promener. Sablé est une ville pleine de richesses dont on pourra parler tout à l'heure. Exactement, et plein de petits trésors. Marie Fourier, justement, j'arrive, voilà, 9h du matin, j'arrive à Sablé, qu'est-ce que je fais? Déjà, la première... Je passe à l'Office de tourisme. Il est ouvert à 9h, l'Office de tourisme? Non, il est ouvert à 9h30. D'accord, donc d'abord, je viens d'abord au pub Élysée, voilà. Je prends un petit café, je peux passer notamment à la corbeille à pain, si on remercie d'ailleurs monsieur et madame Alton, qui ont distribué plein de croissants ce matin depuis 7h au Sabolien, qui était bien content qu'on leur offre un petit croissant. On les salue, ils sortent une baguette en plus aujourd'hui qui s'appelle la pétrissane, voilà. C'est une nouveauté à Sablé, je vous apprends quelque chose, voyez-vous. Oui. Je pourrais le dire après l'Office de tourisme. Voilà, qu'est-ce qu'on fait sur une qu'est-ce journée qu'on fait? La première chose que je conseille, moi, c'est déjà de visiter. Vous êtes à Sablé, on visite le vieux Sablé. Déjà, il y a des rues anciennes qui sont très jolies, avec des maisons à pans de bois. Il y a des parcs qui sont ouverts. Et puis après, on peut aller un tout petit peu en dehors de Sablé, voir Solesmes, l'église abbatiale, écouter les moines chanter, ou encore un tout petit peu plus loin dans les petites cités de caractère d'Anières ou de Parcé. Voilà, c'est ça. On peut se faire un petit parcours très sympa déjà sur une journée. Rien qu'avec ça, il y a déjà pas mal de choses à voir. Oui. Voilà, des gens qui doivent être étonnés de voir ce port. Hein, le port à Sablé, ça c'est... Ça étonne beaucoup, oui. On ne se doute pas qu'il y a un port. N'est-ce pas, Émilie Pierre? Oui, tout à fait. Oui. Vous le connaissez bien, le port. C'est une particularité de Sablé. Avec tous ces bateaux, tous les bateaux, notamment d'Anjou Navigation. Ouais. Alors, on peut louer un bateau départ de Sablé pour remonter vers Le Mans, pour aller vers Mayenne, pour aller vers Angers. Alors, on a la chance, en fait, en Anjou et dans le Maine, d'avoir un bassin fluvial de 250 km qui nous permet, en fait, de partir du Mans et d'aller jusqu'à la ville de Mayenne. Donc, nous, on est situé à Sablé, hein, on va dire, un peu au milieu de la vallée de la Sarthe. Et on peut offrir aux gens la possibilité de prendre un bateau et de remonter vers Le Mans ou de descendre vers Angers. puis d'Angers, on peut partir visiter jusqu'à Mayenne. Alors, dans des bateaux très confortables, cuisine, chambre à coucher, c'est extraordinaire. Hein, c'est, et puis, alors, on est complètement autonome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de skipper, j'ai envie de dire, sur le bateau. Surtout pas. C'est nous qui pilotons le bateau. Le but, c'est d'être capitaine de son propre bateau. Hein. Bien entendu, tout est fait pour que les vacances se passent au mieux. Hein. Donc, on vous apprend à manœuvrer le bateau préalablement. Oui, on va détailler ça avec quand vous. Même. Et la prise en main est assez facile, hein, vous allez nous dire ça. Oui, tout à fait. On pourra détailler, mais c'est vrai qu'on est sur des bateaux qui sont sans permis et puis qui ont, dans ces cas-là, une capacité de personnes maximum qui va jusqu'à 12 et des bateaux qui avancent à 8-10 km/h, mais qui est aussi la vitesse maximale de croisière sur la Sarthe. Parce que moi, je me disais, voilà, Sablé-Le Mans, on fait l'aller-retour dans la journée. Non, non, non. Tout à fait, ouais, pourquoi pas. Mais sans dormir et sans manger. Voilà, c'est ça. Donc, faut compter deux jours si on prend le séjour Sablé-Le Mans. Et là, on découvre la Sarthe complètement différemment. Voilà. C'est vrai qu'on, tout à l'heure, avec Monsieur Aragaru, on parlait de Paris. Mm-hmm. Et c'est vrai, quand on prend un bateau mouche, on découvre Paris, mais complètement différemment. Là, c'est pareil, on va découvrir la Sarthe. Et on pense notamment, évidemment, à cette vue déjà de Solesmes au départ, quand on remonte vers Le Mans. Ça, c'est magnifique. Mm. On voit l'abbaye en entier. En plus, aujourd'hui, voilà, pour les catholiques, c'est Vendredi Saint. Voilà, on vous conseille d'aller faire un tour à l'abbaye. Il doit avoir une journée un peu particulière. On va se retrouver dans quelques instants. Je vous rappelle que nous sommes en direct du pub Élysée. C'est à Sablé-sur-Sarthe à 11h, la Sarthe au Trésor. Vous viendrez jouer en direct avec nous ici sur le plateau et on va se régaler ensemble. À tout de suite. France Bleu Men, en direct du pub Élysée à Sablé-sur-Sarthe toute la matinée. France Bleu Men. Venez nous rejoindre. Sur France Bleu Men avec la semaine prochaine. Aujourd'hui, France Bleu Men passe la matinée avec vous en direct de Sablé-sur-Sarthe. qu'est-ce qu'on peut faire à Sablé? Ben, on parle de ça ce matin avec Jean-Claude Ragaru, Marie Fourier de l'Office du Tourisme du Pays de Sablé. Et puis on parle aussi de ces bateaux que vous pouvez louer ici et remonter la Sarthe et puis remonter après jusque la Mayenne aussi avec la co-gérante d'Anjou Navigation. Elle s'appelle Émilie Pierre. Jean-Claude Ragaru, qu'est-ce qu'on visite quand on vient à Sablé? Vous avez plein de choses à nous proposer, je le sais. On peut visiter l'histoire de France en fait, puisque Sablé est une petite ville assez exceptionnelle dans la mesure où, comme beaucoup de villes de France, on y a vécu plusieurs siècles, mais à Sablé, on a des traces de tout, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, et les traces subsistent, et pour qui veut se promener, regarder, découvrir, c'est assez fabuleux. Depuis le guet sur la rivière qu'occupaient déjà les hommes de la préhistoire, jusqu'aux industries contemporaines, c'est assez fabuleux. Alors, il faut savoir qu'il y avait un guet ici, mais on était dans un pays d'eau, puisque certains voulaient dénommer Sablé la Venise du Sud-Sarthe, hein, comme on a surnommé la Ferté-Bernard la Venise du Nord-Sarthe. Exactement. Ouais. Hein, mais parce que c'est un pays de rivière. Hein, la Sarthe, bien entendu, la plus grosse, et puis l'Herbe, la Vègre, la Vège, etc. Enfin, c'est une zone de confluent et qui a toujours été occupée. Donc, depuis le château fort, les traces de la Renaissance, le XVIIIe siècle, on voit tout à Sablé. D'accord, vous voyez, c'est un petit secteur, mais on trouve de tout, hein, c'est vraiment ça. Marie Fourier, on arrive à Sablé, on voit le château, premier réflexe, tiens, j'aimerais bien visiter le château. Bah, il ne se visite pas, c'est ballot. Il ne se visite pas, alors c'est un château 18e, construit dans les environs de 1720 par Colbert de Torcy. Le problème, c'est qu'actuellement, il est occupé par la Bibliothèque Nationale de France, et c'est, alors, qui dit bibliothèque, on pense ouverture, non. Pas à Sablé, puisque ce sont les ateliers de conservation, de restauration plutôt, de livres, mais aussi de plans, de numérisation, des ateliers de la bibliothèque. C'est un lieu de travail. Du coup, bah, ça se visite que très exceptionnellement. Voilà, pendant les journées du patrimoine. Les journées des métiers d'art aussi, donc c'est vraiment ponctuel. D'accord. Par contre, ce qu'on dit aux visiteurs, c'est que le parc du château, lui, est communal. Donc, ils peuvent aller le visiter. Il y a un très beau belvédère, donc avec un point de vue, un panorama sur la vallée, sur le port. On voit jusqu'à Solem, et ça, c'est à côté du château, sur le côté du château. D'accord, donc voilà, déjà il faut commencer par ça, oui, pour avoir une vue un peu globale de Sablé et des alentours. Et puis comme ça, on a vu sur les bateaux d'Émilie Pierre. Voilà. Tout à fait. Et on se dit, tiens, je vais les descendre, je vais aller voir comment ça se passe. Pourquoi pas visiter cette vallée, hein, cette vallée de la Sarthe, cette vallée avec des affluents qu'on a évoqués tout à l'heure, qui arrivent de toutes parts. Donc nous, on travaille principalement sur l'affluent principal quand même, pour les bateaux, c'est quand même mieux. Donc les bateaux naviguent sur la Sarthe, mais on a un avantage, c'est que on est sur une rivière qui est navigable, ce qui est assez rare. Oui, en France, oui. Voilà. Pas tant que ça, ouais. Et on est loin des canaux tracés à la règle par l'homme, donc on a l'avantage d'avoir une rivière qui est sinueuse. Voilà, il n'y a pas cette monotonie des choses très droites qu'on peut retrouver dans d'autres endroits de France. Et, voilà. Et en plus, on a l'avantage, c'est que l'histoire s'est créée aux abords des rivières. Donc comme disait Monsieur Ragaru. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes sablolien, vous êtes venu quelques jours, par exemple, dans le secteur. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quels sont les lieux qui vous ont plu? Vous pouvez intervenir aussi sur l'antenne de France Bleu Maine. Vous êtes les bienvenus au 02 43 29 10 10. France Bleu Maine et la Fédération des boulangers de la Sarthe vous offrent les croissants vendredi 10 avril. Rendez-vous à partir de 7h devant votre radio, 17 avenue Mendès-France au Mans, à pied, en voiture, en tram ou à vélo. France Bleu Maine. Venez nous rejoindre et repartez avec votre croissant. Chaud les croissants. Chaud les croissants. Chaud les croissants. Vendredi 10 avril à partir de 7h devant France Bleu Maine. France Bleu. L'esprit sportif sur France Bleu, Nathalie Simon. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du rallye raid avec une championne tout terrain, une athlète hors norme, Karine Baillet, qui est vice-championne du monde de raid aventure. Rencontre avec une raideuse hors du commun. L'esprit sportif, demain de 19h30 à 20h sur France Bleu. Le week-end aussi, France Bleu Maine vous réveille. Et demain matin, 7h20, Charlotte Bougnot va vous offrir des invitations pour Europa Jazz pour la soirée du 9 avril. Salle Michel Berger, c'est à Savigny-l'Évêque, avec Vincent Perani, accordéoniste, et Émile Parisien au saxo. France Bleu Maine, France Bleu Maine. Info trafic. Pas vraiment de difficultés sur l'agglomération Mansel. Ici à Sablé, eh bien, écoutez, ça roule très très bien. Ça, c'est l'avantage aussi des petites villes. Nous avons deux petites perturbations un peu classiques, j'ai envie de dire, sur le boulevard de Morieux, dans le centre-ville, avant d'arriver en centre-ville du Mans. Pas mal de circulation dans le secteur. Sinon, montée-descente du tunnel, c'est parfait ce matin. Et pas de radar à vous signaler. France Bleu Maine, en direct de Sablé-sur-Sarthe. En direct du pub Élysée, vous pouvez venir nous voir, hein, n'hésitez pas. Voilà, on vous accueille avec des petits croissants offerts par la corbeille à pain. C'est 5 rue Gambetta. On va aller les saluer, monsieur et madame Alton, quand même, à Sablé-sur-Sarthe, avec nos invités Jean-Claude Ragaru, Marie Fourier. Jean-Claude Ragaru, c'est le président de l'office de tourisme du pays de Sablé. Marie Fourier, conseillère en séjour. Et puis, Émilie Pierre, vous êtes co-gérante d'Anjou Navigation. On peut louer donc des embarcations qu'on appelle comment alors ? Alors, on appelle ça des vedettes fluviales. Vedette fluviale, très bien. Jusqu'à 12 personnes, vous avez dit tout à l'heure. Voilà, on va de 2 à 12 personnes. Voilà, alors moi je me dis évidemment, il faut que j'ai mon permis bateau. Et bien pas du tout. Et bien pas du tout. En fait, voilà, ces vedettes sont accessibles à partir de 16 ans, bien entendu, sous la vigilance d'un parent, mais est accessible à tous. C'est-à-dire qu'on a l'autorisation de mettre la possibilité d'accueillir jusqu'à 12 personnes par bateau. Et c'est des bateaux qui sont limités à 8-10 km/h. Il faut savoir quand même manœuvrer. Il faut savoir accoster, passer une écluse. Ça s'apprend en une journée, une demi-journée, ça ? Alors, ça s'apprend même en moins d'une demi-journée, d'accord. Sinon les vacances seraient très courtes. Oui, c'est sûr que voilà, si on le loue deux jours et qu'il y a déjà eu une journée de formation, c'est un peu compliqué. Alors, ça s'apprend. On passe environ jusqu'à une demi-heure, une heure à bord du bateau avec les clients pour leur apprendre à manœuvrer, à accoster même le bateau, oui. À accrocher le bateau. Parce que des fois, c'est déjà, ça commence très simplement. Vous nous donnerez peut-être quelques anecdotes d'ailleurs sur certains clients. Pourquoi pas. Et puis après, sur nos rivières, on a la chance d'avoir des éclusiers qui sont là à attendre aux écluses et à aider à la manœuvre les plaisanciers. D'accord. Il y a combien d'écluses, par exemple, quand on remonte jusqu'au Mans ? On est sur une dizaine d'écluses. Donc, bien entendu, s'il y a un aller et un retour, il faut multiplier par 2. Voilà. Mais des écluses qui sont manuelles, bien entendu, vous pouvez toujours aller aider l'éclusier, oui. Hein, il sera très heureux de vous accueillir. Après, on a des périodes, ils peuvent quand même écluser. Les périodes d'ouverture sont entre 9h et 20h le soir. Donc d'accord, ça laisse donc on a le temps, oui, de belles possibilités. Donc on a la prise en main assez facile finalement de ces bateaux qui sont parfois assez gros. Et puis après, bah, on devient capitaine du bateau et c'est parti, quoi. Voilà, on est son propre capitaine. Après, qu'est-ce qu'on va découvrir là si on remonte jusqu'au Mans là, bon, on a parlé de Solesmes évidemment, mais après il y a d'autres endroits. Alors, voilà, caractéristiques. Après on part, on va visiter toute la vallée de la Sarthe. Alors ça commence bien sûr par Solesmes, hein, qui est quand même un élément imposant et incontournable de la balade. C'est le meilleur point de vue, c'est le meilleur point de vue pour voir Solesmes évidemment. Voilà. C'est au niveau de la Sarthe. Hein. Tout à fait, c'est l'avantage. Après, je partirai bien. Il faut surtout pas visiter. Il faut surtout pas oublier Parçay, qui est une très belle petite cité avec en plus des habitants très accueillants et qui offrent. D'accord, là on peut accoster. Facilement la visite. Ouais. Voilà. Puis concrètement, on verra les détails techniques. Moi, je pense toujours évidemment à la bouffe. Ouais. Et c'est bien équipé, hein, vos bateaux. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, et on n'est pas obligé de faire tous les restaurants du secteur, bien que il y en a des très très bons et il y a des très bonnes adresses. Mais voilà, les bateaux sont équipés pour pouvoir faire la cuisine, on va dire comme à la maison, à bord. D'accord, bah ça c'est très bien. Vous pouvez vous arrêter, oui, à Solesmes, au Grand Hôtel de Solesmes. Ce sera nos invités tout à l'heure dans les Cordons Bleus à partir de 10h. Allez, à tout de suite. France Bleu Maine passe toute la matinée avec vous, en direct de Sablé-sur-Sarthe. Birds fly upon my skin. I can call my own. That's where I go till the night is gone. I travel my mind and into my heart. Nobody knows when I go that far. Marina Kaye sur France Bleu Maine avec Homeless. France Bleu Maine en direct de Sablé-sur-Sarthe. En direct du pub Élysée en plein centre-ville de Sablé-sur-Sarthe avec Jean-Claude Lagaru et Marie Fourier, conseillère en séjour auprès de l'Office du Tourisme. Et puis on parle des bateaux d'Anjou Navigation aussi pour naviguer sur la Sarthe avec Émilie Pierre. Et nous avons Jean-Louis au téléphone. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes de Vion, Jean-Louis, et vous voulez nous parler du pays de Sablé. Hein. Voilà, nous, ça fait, avec ma femme, ça fait 5 ans qu'on est arrivé et on ne s'ennuie pas à Sablé. Il y a, puisque les gens de l'Office du Tourisme sont là, je les salue, parce que je les connais un petit peu. C'est un Office du Tourisme qui est très dynamique. Par exemple, il y a la LGV qui passe pas loin de Sablé et ils se sont mis en cheville avec FH pour organiser des visites pour qu'on ait toutes les explications sur la ligne LGV. Donc ça, c'est intéressant. En marge du Festival de Sablé, au mois d'août, l'Office du Tourisme organise des petites conférences, des visites de sites autour du thème du festival. C'est toujours très intéressant. À côté de ça, ils organisent des visites de villages, d'églises comme Agnières ou Vers-le-Hamon. Donc tout ça, c'est très très intéressant. Au moment de la journée des jardins et du patrimoine, il y a énormément de choses à voir dans la région de Sablé et bien sûr en Sarthe, hein, bien évidemment. Tous les 3 ans, la ville de Sablé, les entreprises de Sablé ouvrent leurs portes au public. Donc il y a peut-être une quinzaine d'entreprises qui ouvrent et le public peut aller visiter les entreprises. Donc ça fait découvrir le patrimoine industriel de la ville. À côté de ça, il y a l'Entracte, le centre culturel, qui propose tout au long de l'hiver et du printemps des spectacles. Donc voilà, c'est une ville qui est extrêmement intéressante. À Sablé, moi je dirais mon coup de cœur, Monsieur Lagaru est là, c'est le musée de l'homme volant. Je trouve que On allait en parler. Vous êtes vraiment très fort, Jean-Louis. Alors Jean-Louis, vous venez d'être embauché par l'Office de Tourisme, hein, ouais. Marie. Je pense que voilà, ça, quelqu'un comme Jean-Louis, là, il est formidable. Il vient d'arriver en Sarthe. Sablé est vraiment une ville qui est extrêmement vivante et à tout point de vue. Hein. Donc c'est vraiment agréable d'y vivre. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage, Jean-Louis. Voilà un amoureux de Sablé qui sait bien vendre sa commune. Hein. Et puis qui s'est bien renseigné aussi. Et il n'est même pas de cette commune en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est fabuleux. Ça, c'est fabuleux. Heureusement ça. Qu'on est à la radio parce que je suis tout rouge. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je confirme. Merci de votre appel, Jean-Louis. Alors justement, il a parlé d'un homme volant, votre musée. Il est ouvert aujourd'hui, le musée ? Ah, il est ouvert toute l'année, jour et nuit. Alors mais sur rendez-vous. D'accord, c'est quoi ce musée, Jean-Claude ? Eh bien, c'est quelque chose d'assez remarquable vu de l'extérieur déjà. On parlait tout à l'heure du vieux Sablé. Il faut savoir que Sablé est dominé par le château du 18e et que tous les gens en ville qui avaient quelques moyens ont refait les façades de leur maison pour être dans le goût du 18e. Sauf les pauvres prolos qui habitaient dans la grande rue au 35 et qui n'ont pas eu les moyens et qui ont laissé leur maison avec les colombages apparents. C'est une maison à pans de bois. Et c'est l'un des petits joyaux de la ville et je trouvais important de lui donner une vocation et d'en permettre la visite. Voilà, si bien que vous en êtes le créateur. amateur, faut quand même le signaler. Pas de la maison, parce que j'ai beau ne pas être tout jeune, elle est du 15e, donc du 15e siècle. Qui est l'homme volant, alors? Alors, l'homme volant, eh bien, tout à l'heure, on parlait du belvédère du château, eh bien, j'encourage tous les gens à aller voir et à imaginer qu'au 17e siècle, quelqu'un est parti des hauteurs du château, donc quelque part du côté du belvédère, et a traversé la Sarthe avec une machine de son invention. Et cet homme volant habitait pratiquement là où est le musée, qui s'appelle à l'homme volant, un fou. Ouais. Un fou astucieux, puisque c'est quand même le premier homme à s'être sustenté en l'air à l'aide d'une machine de son invention. Et j'ai profité de ce prétexte pour créer là un musée, non pas de l'homme volant, bien que ce soit son nom, et que il a une large part dans le musée, mais un musée consacré à l'aérostation, c'est-à-dire aux plus légers clairs, ballons, montgolfières, etc. Voilà, il y a plein de petits trésors très sympas dans ce musée, on en reparlera peut-être dans quelques instants. Et puis, Marie, vous allez nous dénicher des petits endroits insolites autour de Sablé. On parle notamment d'un camping qui a l'air très sympa. Hein, mais on en reparlera dans quelques instants, vous restez avec nous. Faites comme Jean-Louis, si vous voulez faire la promotion de ce pays sabolien, n'hésitez pas au 02 43 29 10 10. France Bleu Men, première radio dans le cœur des Saboliens, en direct de Sablé-sur-Sarthe. France Bleu Men. Et pour tout ça, il... Michel Balavoine et le chanteur sur France Bleu Maine. France Bleu Maine, en direct de Sablé-sur-Sarthe. Et on est bien à Sablé, en direct du pub Élysée. Venez nous voir, hein, n'hésitez pas, c'est en plein centre-ville, c'est place Raphaël Élysée. On aurait pu en parler justement, Jean-Claude Ragaru, de ce fameux Raphaël Élysée, parce qu'on parlait de l'histoire. Ah, mais d'abord, il y a un coup de fil. Un coup de fil de Paul qui nous appelle de Sablé-sur-Sarthe. Et vous voulez parler de Sablé. Paul, bonjour. Oui, bonjour, c'est pas Paul, c'est Raymond. Ah, c'est Raymond, d'accord. Oui, pour une fois que vous veniez à Sablé, on aurait voulu parler de Sablé. Nous, on est arrivé à 6h avec la mobilette. Et on comprend pas, c'était pas ouvert déjà. Alors, d'accord, Raymond. Quand même. Il est 9h30, on est encore pas pour sa l'antenne, ça commence à faire beaucoup, plus qu'on veut qu'on fasse le marché après. Hein. D'accord, Raymond. Alors, c'est pas Raymond Polo, votre nom ? Ce serait pas Polo, votre nom de famille, monsieur ? Ah, il m'a eu. C'était hier, hein, le 1er avril, Polo. Hein. C'est pas aujourd'hui. Hein. Avant-hier, même. Je pensais tout à l'heure. Alors, depuis 6h, on a eu le temps de changer la moquette afin que vous soyez reçu correctement. Voilà, bah, Polo, évidemment, qui intervient. J'ai mis quoi ? Allez, quand même, une demi-seconde avant de vous reconnaître, Polo. C'était pas prévu. Mais en tout cas, vous allez nous rejoindre ici et puis on va refaire un peu la commune de... Ah, mais il raccroche, en plus. Ah, mais il est bien, le Polo. Impeccable. Ça y est, le ton est donné. Polo, c'est une personnalité, hein, Jean-Claude Ragaru, du coin. Hein. C'est notre vedette avec un V majuscule. Ah, la vedette, même, on dit, avec l'accent. Ah, bah, c'est une vedette ou une patate ? Ah, bah, c'est un gobain de chez... en plus. C'est un gobain de chez nous, hein. Allez, il nous reste pas beaucoup de temps, en plus, Polo, quand même. Jean-Claude Ragaru, ce musée, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce musée à l'homme volant, là ? Eh bien, des tas de belles choses. Alors, c'est un musée didactique, il y a 4 salles, chacune a un thème bien précis, depuis l'histoire et la technique de la montgolfière jusqu'au ballon contemporain, en passant par les ballons dans les guerres. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Bah, un petit morceau du ballon de 1783, c'est une vraie relique, c'est l'épine de la couronne du Christ, quasiment, pour les ballonneux. Ah, oui. On y voit une nacelle de ballon d'observation de la guerre de 14-18, on y voit des tas d'objets du 18e, et du 19e. C'est vous, hein, qui avez collecté tout ça, hein. Oui, c'est 10 ans de recherche. Il y a 2 jours, j'étais encore à Drouot pour voir si je pouvais récupérer quelques petits objets, voilà. Donc, Marie Fourier, incontournable, évidemment, à Sablé, d'aller visiter ce musée. Hein. L'homme volant, oui, évidemment. Faites attention, c'est le président. Hein, oui, Après, vous avez un autre musée à Sablé, l'atelier Malico, qui est un musée... Un ancien atelier de photographe de la fin du 19e, début 20e siècle, qui a été restauré dernièrement, qui est ouvert en saison tous les vendredis à 15h. D'accord. Marie aussi, il y a un camping dans le coin à découvrir, a priori, non ? À Avoise, oui. L'œil dans le rétro à Avoise, qui a un camping un petit peu particulier, puisque c'est un camping qui, sur une thématique, le vintage. D'accord. Donc vous avez c'est vintage quoi, années 70, années 60, 50 ? 60, 70. Ce sont des vieilles caravanes, complètement rénovées. D'accord. Par le gérant du camping. Et dans la décoration d'époque. D'accord, donc Émilie Pierre, si on loue un bateau, on s'arrête et on peut aller faire un petit tour dans ce camping. J'espère bien que beaucoup de monde va s'arrêter dans ce camping cet été, oui. Ça se passe concrètement comment ? On peut louer des vélos ? On peut aller pour visiter les communes environnantes ? Alors, on peut tout à fait louer des vélos, alors, mais par contre, ce n'est pas une obligation parce qu'on a la chance d'avoir les villages qui sont vraiment au bord de l'eau. Ouais, voilà, c'est donc l'avantage. La boulangerie est souvent très près de... Oui, très prisée aussi, j'imagine. De l'eau, et très prisée, comme le boucher pour les rillettes. Mais voilà, on a quand même cette chance-là, c'est que c'est facile d'aller faire ces petites courses. Voilà, alors on me dit dans l'oreille, évidemment, c'est la question que je dois vous poser, combien ça coûte de louer vos petites vedettes fluviales là ? Alors, on commence à 400 euros à peu près pour un bateau entre 2-6 personnes. D'accord. Hors saison. Et là, c'est pour 2 jours, 2 nuits ? Et voilà, c'est pour 2 nuits à bord, c'est-à-dire que les départs se font le vendredi soir. D'accord. Et les retours le dimanche soir. Et a priori, il faut quand même se dépêcher parce que c'est ça marche très fort, hein, votre activité. Vous avez une 40aine de bateaux et déjà, par exemple, pour le week-end de Pâques, il y en a 10aine de loués, par exemple. Voilà, tout à fait. Il y a et c'est pas la grosse une saison. Une dizaine, hein, de départs ce soir. Donc ça commence doucement, ça commence bien. Après, c'est vrai qu'il doit rester encore quelques places pour les ponts de mai. D'accord, mais ça, il y a un vrai voilà, parce que les tarifs sont beaucoup moins chers que dans certaines autres régions. Hein, faut oui, le dire. Voilà, c'est vrai qu'il y a des canaux qui sont très prisés dans le sud de la Canal France. Canal du Midi, évidemment, Toulouse. Voilà, que j'appelle l'autoroute du Midi, mais. Ouais. On défend la région, que vous voulez. On peut critiquer les autres, ils ne peuvent pas nous entendre d'ailleurs. Oui, non, mais on a la chance d'avoir une rivière qui est large et qui est facile d'accès, qui est pour débuter très, très aisée. Hein. C'est vrai qu'on a, on a en France des rivières qui sont beaucoup plus dures voilà. Et beaucoup moins bien aménagées par les communes et par le département. Voilà, il faut se renseigner voilà, auprès d'Anjou Navigation. On n'a pas eu le temps de parler de tout l'aspect culturel aussi de la ville de Sablé. Il y a quand même les incontournables, il y a Rocky Simon, il y a le festival baroque. C'est quand les nuits d'été. On peut donner deux trois étapes en 20 secondes là. Autour du 14 juillet, autour du feu d'artifice, bon, Rocky Simon, un petit peu voilà, ça c'est et extraordinaire. Puis, voilà, c'est en gros 10 000 enfants qui viennent dans le parc du château écouter de la bonne musique pour enfants, mais de la musique sérieuse et festive. Et puis, il y a ce qu'on appelait les nuits d'été, mais qui vont changer de nom cet été, mais ça sera la même chose, c'est-à-dire deux soirées de musique actuelle dans le parc du château. Alors, spectacle entièrement gratuit, la musique actuelle. Et puis, il y a bien sûr le festival baroque. On est partenaire de ce festival, on vient tous les ans d'ailleurs à Sablé. Dernière semaine d'août, voilà, plus l'académie. Voilà, et là, il y a des gens du monde entier qui viennent pour ce festival. C'est l'un des grands festivals baroques. On va vous remercier tous les trois, Jean-Claude Ragaru, Marie Fourier et Émilie Pierre qui étaient nos invités ce matin. Bonne journée à vous trois et merci de votre accueil ici à Sablé. Au revoir. Merci à vous. À gagner cette semaine dans le jackpot de France Bleu Men, votre passe-famille, deux adultes et deux enfants. Pour une journée au Futuroscope, le parc d'attractions pour vibrer, découvrir, s'amuser et faire le plein de sensations. Le jackpot. France Bleu. Vibrez football avec l'appli de France Bleu. Suivez en direct toute l'actu foot avec l'application France Bleu Football. Un match, deux points de vue. Pour écouter les commentaires de deux radios France Bleu sur le même match. C'est pas possible. Restez informés sur les matchs de vos équipes favorites grâce aux alertes sur votre mobile. Plus d'infos sur francebleu.fr. France Bleu Men, partenaire officiel de tous vos loisirs, vous offre une soirée jazz avec Vincent Perrani et Émile Parisien Duo, jeudi 9 avril à Savigny-l'Évêque. Vincent Perrani, l'accordéoniste que tout le monde s'arrache, et Émile Parisien Duo, l'un des saxophonistes les plus recherchés aussi. Deux artistes victoires du jazz 2014. Vincent Perrani et Émile Parisien Duo, jeudi 9 avril, salle Michel Berger à Savigny-l'Évêque. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Men. Demain à 9h, dans les experts. Les experts sont au jardin avec Pascal Prieur et Charlotte Bougnot. Vous pouvez déjà envoyer vos photos d'arbres un peu malades, par exemple le men@radiofrance.com, puis vous appelez demain évidemment à partir de 9h jusqu'à 9h45 au 02 43 29 10 10. Sur les coteaux en pente, les vallons amoureux, un rayon de soleil est passé sur nous deux. J'attendais de ce ciel qu'il me fasse juste un signe, et je vois mon château sortir du cœur des vignes. Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça, être père. Après la saison des vendanges, on récolte le fruit, le meilleur des mélanges. La bouche est ronde et pleine, et le nez si discret. Quel prénom allait-on bien pouvoir te donner? Pascal Obispo et Millésime, nous sommes en direct de Sablé, vous le savez, en direct du pub Élysée avec Polo et Sophie Elie. Bonjour Polo. Bonjour Emmanuel, bonjour Sophie. Bonjour Polo, bonjour Emmanuel. C'est marrant, tout à l'heure on a eu quelqu'un qui avait à peu près la même voix que vous au téléphone. On vous a reconnu Polo. Non, c'est mon oncle, grand-oncle. Voilà. Grand-oncle. Bon, ça va Polo ? Impeccable. Je suis vraiment content que vous soyez venu à Sablé, ça fait vraiment plaisir de vous recevoir, surtout c'est un des temps un peu, en ce moment pour vous, pas facile à vivre et que vous soyez là, c'est vraiment sympa. On joue à l'extérieur, d'habitude c'est vous qui venez jouer au Mans, là on joue à Sablé. On est sur vos terres. Oui, c'est un peu ça. Très touché. Alors, en plus, là, le marché, bon, dommage du temps, mais c'est très rare qu'on ait un temps comme ça à Sablé. C'est très, très rare. Il y a un microclimat ici. Il y a un microclimat à Sablé. Regardez le bronzage des gens qui sont là autour du bar. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Intérieur comme extérieur. Voilà. Et donc, c'est un bronzage, j'ai envie de dire, assez rouge, parce que c'est les premiers rayons, non, c'est pas ça. Faut pas tout mélanger non plus, Manuel, on va pas aller sur ce terrain-là, je sais que vous connaissez quand même ce domaine, mais non, c'est très rare, Sablé, on est quand même dans le sud de Sarthe par rapport au Mans, c'est quand même important, c'est on a quand même un ensoleillement beaucoup plus. Regarde les températures, il va faire 11 degrés par exemple, il fera 11 degrés aussi au Mans, c'est très rare qu'on ait la même température. C'est très très rare. D'accord, vous allez sur le marché, Sophie, vous allez vous régaler sur le marché, à mon avis. Oui, on va aller sur le marché qui est juste en face, hein, tout à l'heure avec Polo. Puis très grand. Un marché énorme. On ne pourra pas tout faire. Non, c'est sûr. On essaiera de faire au moins le poissonnier, peut-être. Et le fromager. Il y a un charcutier aussi, quand même. Il y a un charcutier. Tout de suite, la viande. Alors, je rappelle que les vendredis saints, on voulait éviter le charcutier. Merci, Polo. Attention, Polo, infotrafic. France Bleu Men. Infotrafic. Alors vous êtes de Loye, à Loye ça circule bien, Polo ? Faut pas prendre le périph, c'est tout. Le périph c'est bouché régulièrement à Loye, mais pour ceux qui savent, mieux rentrer en centre-ville. D'accord, combien d'habitants à Loye, vous nous rappelez ? Là en ce moment, moins que... parce qu'ils sont au travail, donc 760 en gros. Ah oui, quand même, c'est une petite commune. Bon, en ce qui concerne Le Mans, pas vraiment de grosses difficultés ce matin. L'avenue Bollé, un petit peu de monde sur le boulevard de Morieux. Montée du tunnel, c'est parfait, j'ai pas de radar à vous signaler. Soyez tout de même prudents. France Bleu Men, le jackpot. Décrochez le jackpot sur France Bleu Men. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Polo ? Oui, dites-moi. À Loye, une conseillère générale depuis peu. Ah d'accord. Départementale. Oui, je comprends maintenant. On est complètement perdu. Merci pour l'actualité. C'est important. Voilà. Le jackpot, Sophie, c'est parti. Vous savez pourquoi cette semaine ? C'est le dernier jour en le plus. Le futuroscope. Le futuroscope pour 4 personnes. Ah, le futuroscope qui est situé juste à côté de Sablé. C'est ça, c'est l'usine LDC, c'est à côté. Bah, exactement. Voilà, c'est bien. Ça, c'est proche. Ça touche à des pays. Il y a tout à Sablé. Il y a même le futuroscope de Poitiers. Exactement. Vous nous ramenez par là, il y a plus de monde. Vous nous appelez au 02 43 29 10 10. C'est maintenant. La machine à cadeaux est prête. Le jackpot. 02 43 29 10 10. France Bleu Men à Sablé-sur-Sarthe. On est bien ensemble. France Bleu Men. On prend l'intro du disque, Polo. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut visiter aussi? Qu'est-ce que vous avez visité, vous aussi, à Sablé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le pub Élysée, le Royal Élysée. Il y a le Café de l'Europe. Le Globe. D'accord. Ça, on fait ça dans la matinée. Ah, bah, ça dépend comment c'est rempli aussi. Avec qui t'es aussi. You and me, we made a vow. For better or for worse. I can't believe you let me down. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you. Sam Smith, I'm not the only one. France Bleu Men, le jackpot, le jackpot. Vous avez vu, Sophie, je fais des progrès en anglais. Oui. C'est à votre contact. Il ne faut pas mettre un H aspiré devant le O de only one. D'accord, bon, bah, très bien. Bah, on apprend tous les jours, hein, n'est-ce pas, Polo? Ah, bah, Je vous suis. Hello, Polo. Yes. Nelly est avec nous, elle nous appelle du Mans. Bonjour, Nelly. Bonjour, Manuel. Ça va bien, Nelly? Ne soyez pas timide. Ouais, bah, il y a Polo. Bah, voilà. Vous intimidez maintenant les auditrices, Polo. Ça m'étonne pas. Dites bonjour à Nelly. Bonjour, Nelly. Bonjour, Polo. On s'en vient. Elle m'a pas vu. Nelly, elle joue pour le Futuroscope. C'est le passe-famille. Hein. Deux enfants, deux adultes. Pour une journée complète au Futuroscope de Sablé. Hein. Parce que c'est à Sablé maintenant. C'est à Sablé. C'est quand même l'info du jour. Hein. Il faut le savoir. C'est juste à côté de la Tour Eiffel. Hein. Voilà. On lance les rouleaux. Nelly, vous dites stop quand vous voulez. Si vous entendez trois fois le jingle France Bleu Maine, vous irez en famille du côté du Futuroscope de Poitiers. C'est ça. Le Jackpot. Stop. Stop. France Bleu Maine. Et un. France Bleu. Et deux. France Bleu. Polo, 2 et 1, ça fait combien? Ah bah, avec bonheur. Et bah voilà, c'est gagné. Oh, merci à tous. Vous êtes contente? Vous avez les enfants, Nelly? Les enfants vont être contents, ouais. D'accord, c'est parfait. Le passe famille, voilà, pour rentrer à 4 tranquille toute la journée au Futuroscope. Super. Ça décoiffe, il paraît, le Futuroscope. Ouais, je suis allé il y a très longtemps, mais ça décoiffe, mais ça a dû changer. Ouais, il y a plein de nouvelles animations tous les ans. Bravo, Nelly! Merci, bonne journée à Sablé, à vous. Voilà, très impressionné, Nelly. Ouais, ça m'étonne pas. J'espère que ça va pas être comme ça avec la Sarto Trésor. Tu vas voir, c'est une marche. Bonne journée, Nelly, prochain jackpot dans une heure. prochain jackpot à 10h50 sur France Bleu Men. France Bleu. Bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café. Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. À 747, c'est explosé dans mes fenêtres. Mon ciel cible est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. Seul on gagne mon rêve américain. Moi, plus jamais esclave des chiens. Ils t'imposaient l'islam des tyrans. Cela ont-ils jamais lu le Coran? Redevenu poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile? Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. Cher à canon, deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. Manhattan Kaboul avec Renaud et Axel Red sur France Bleu Men. France Bleu Men, 16h-19h. Tout le monde dehors. On parle de cinéma. Ici, on a de très belles scènes. Concerts, théâtre, sport, livres. Et elle a vraiment une plume particulière. Vos conditions de circulation. Les infos. Les élus de la ville du Mans. Des places à gagner pour les meilleurs spectacles de la Sarthe. Le tout au son d'un maximum de musique. France Bleu Men. Tout le monde dehors. France Bleu Men, partenaire officiel de tous vos loisirs, vous offre Albert Mellet à l'éolienne d'Arnage, vendredi 10 avril. Le comédien, humoriste et chroniqueur, surnommé le philosophe de l'absurde, donne son avis sur tout et même sur des sujets qu'il ne connaît pas. Albert Mellet, l'Albert mondialiste à l'éolienne d'Arnage, vendredi 10 avril à 20h30. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Men. France Bleu. 10h, 11h, les cordons bleus sur France Bleu Men. Dans quelques minutes ici en direct du pub Élysée à Sablé-sur-Sarthe et sur le marché, il y aura Sophie Elie avec Polo. Eh oui, on va y aller, hein, Polo, c'est pas très loin. Bien sûr, bien sûr. C'est tout, voilà. Ah non, mais je croyais que vous alliez ajouter mais quelque non, chose. Mais j'attends, que vous alliez donner le nom des autres invités, quelque chose comme non, ça. Non, mais j'attends savoir ce qui va se passer sur le marché. Eh ben, des choses incroyables. On va l'interroger, les gens du marché, les charcutiers. Ben, pas charcutiers, on a dit. Pas charcutiers, c'est moi, on dit ça. On s'excuse. Mais c'est un beau marché, le marché de Sablé. Ah ben, le marché de Sablé, le plus beau marché de Sablé, il est fait à la flèche le mercredi. Impeccable. Voilà, le ton est donné. Et ici, en plateau, j'ai envie de dire, ici au pub Élysée, on va recevoir Bernard Loher. Vous avez déjà ouvert le petit paquet. Voilà. C'est la maison du Sablé. Bah, c'est juste en face le pub Élysée. Et puis, vous connaissez bien cet endroit, mon cher Polo. Oui, en face de l'abbaye de Solesmes, il y a quoi? Il y a le grand hôtel de Solesmes. Oui, je connais bien l'endroit. Voilà. Vous connaissez le chef, vous connaissez la patronne chef, aussi. Oui. Voilà. Vous aimez ces chaussures de la patronne. Moi, je pense que j'y vais, c'est pour les chaussures. C'est pour les chaussures. C'est pas pour le fétichiste. C'est pas pour le cadre ni pour la cuisine. C'est pour les chaussures. C'est pour les chaussures. Je voulais faire cordonnier plus jeune et c'est pour les chaussures. D'accord, très bien. C'est nos invités, ça les fait beaucoup rire. Marie Jacquet et le chef, il s'appelle Didier Serre. Allez, à tout de suite. Vous écoutez France Bleu Maine, première radio dans le cœur des Sartois. Il est 10h. En raison d'un appel à la grève par plusieurs organisations syndicales portant sur les difficultés budgétaires et la défense de l'emploi à Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. En Sarthe aujourd'hui, bah c'est pas terrible. Ça va être pluvieux, pluie faible ce matin et cet après-midi, pluie continue. Voilà, temps gris, pas de chance de voir des éclaircies malheureusement. Et les températures encore un peu fraîches pour la saison, entre 9 et 11 degrés au meilleur de la journée, 9 à Ciel-Guillaume notamment, 11 degrés pour Malicorne, pour La Flèche, ainsi qu'à Sablé-sur-Sarthe où nous sommes en direct. Demain samedi, ça sera bien mitigé, un tout petit peu plus de soleil, température légèrement en hausse. C'est à partir de dimanche qui fera un peu plus beau, mais avec des températures en baisse le matin. On pourrait retrouver même quelques gelées. La météo avec le spécifique zoo. Animaux rares, présentation ludique et pédagogique, nombreux enclos de contact. À découvrir tous les jours à Spé. Plus d'infos sur www.zospé.com. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie et les Cordons Bleus sur France Bleu Maine. Et bonjour à toutes et à tous, venez nous rejoindre ici au Pub Élysée, 13 place Raphaël Élysée. C'est à Sablé-sur-Sarthe, ces jours de marché. On va retrouver dans quelques instants Sophie Elie en compagnie de Polo l'humoriste qui vont nous faire vivre l'événement avec les commerçants. Et puis autour de la table, Bernard Loher, le directeur de la maison du Sablé, qui est juste en face le Pub Élysée. Et puis il y a un restaurant emblématique à quelques encablures de Sablé, juste en face l'abbaye de Solesmes. C'est le Grand Hôtel, sa directrice Marie Jacquet et le chef Didier Serre nous présenteront notamment leur carte de printemps. Les cordons bleus en direct de Sablé, c'est parti. 10h, 11h, les cordons bleus sont en direct de Sablé-sur-Sarthe. Marie Jacquet, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue, le Grand Hôtel de Solesmes. Et oui. Ah, c'est juste en face. Alors, vous ne pouvez pas faire plus en face l'abbaye de Solesmes. Non, on ne peut pas faire ça, plus. Ça, ce n'est pas possible. Non, pas possible. C'est vraiment en face. On traverse la rue, voilà. On traverse la rue, on y est. Il y a beaucoup de monde en cette semaine sainte, j'ai envie de en dire, vendredi saint. Voilà, c'est, vous êtes des fois un peu calé avec le temps liturgique, j'ai envie de dire, au Grand Hôtel. Exactement, oui, pour Pâques et pour Noël. Donc, c'est parti pour la semaine sainte. Et on approche jusqu'à dimanche. On attend nos clients. Voilà, voilà, c'est hôtel. Donc, c'est poisson aujourd'hui. Au menu, on va voir ça avec le chef, mais c'est un hôtel emblématique. Il existe depuis combien de temps, ce Grand Hôtel de Solesmes? Alors, le Grand Hôtel, la famille Ayel, ça fera 55 ans au 1er juillet de cette année. D'accord. Alors, vous faites partie d'un réseau aussi d'hôtels. Exactement. Château Hôtel Collection, qui est la chaîne d'Alain Ducasse. D'accord. Voilà. C'est quoi le gage des hôtels Collection, Château Hôtel Collection? Il faut être toujours bien, je pense, et puis savoir accueillir ses clients. Et voilà, on Il y a plusieurs critères. Voilà, c'est souvent l'accueil, le lieu déjà qui est très agréable, très reposant pour ceux qui ne sont jamais allés dans votre Grand Hôtel de Solesmes. Merci. Didier Cercel, chef. Bonjour, chef. Bonjour. Vous nous avez amené quelques agapes, tiens, ce matin déjà. Oui, exactement. Ouais. Voilà, tout est fait maison chez tout vous. Tout à fait, oui. Alors, j'ai cru entendre une conversation, je crois que les Sablés, vous les faites maison. Exactement. C'est ça. Ça va pas plaire à Bernard Loher. Bonjour Bernard. Bonjour. Soyez le bienvenu. La maison du Sablé. On est juste en face de votre boutique, dites-donc. Exactement. Voilà. Oui. Et avec un peu de chance, on va voir arriver notre traditionnel quart de japonais qui vient toujours soit le jeudi saint, soit le vendredi saint. D'accord. Avant d'aller à l'abbaye de Solesmes. Voilà. On connaît le petit Sablé dans le monde entier. Oui, oui. Enfin, on fait des Sablés aussi dans le monde entier, mais pas forcément les mêmes. Alors pourquoi ça vient d'ici, Sablé? Alors ça, on va remonter un peu l'histoire. C'est un peu flou parfois l'histoire. C'est la marquise de Sablé, voilà, qui a amené des petits gâteaux. Oui, il y a toujours un moment où l'histoire et la légende se mêlent. Mais enfin, l'histoire est celle-ci. On la connaît par une lettre de Madame de Sévigné à sa fille Madame de Grignan. Parce qu'elles échangeaient une correspondance très abondante. Et dans une de ses lettres, elle raconte un dîner à Chantilly, chez le prince de Condé, en présence du frère du roi, monsieur. Et à ce dîner, Madame de Souvré, marquise de Sablé, avait apporté des petits biscuits ronds, dorés et croquants. Qui étaient faits à Sablé, voilà. Absolument. Et, là, nous sommes en 1670. Voilà. Et ces biscuits ont beaucoup plu, notamment au frère du roi qui, dit-on, a réclamé qu'on lui emporte tous les matins à son lever. Et voilà, c'est la trace historique réelle qu'au XVIIe siècle, on faisait déjà des sablés à Sablé-sur-Sarthe. D'accord, la maison. Et alors, après, on dit que la cour ayant particulièrement apprécié ces biscuits et pour faire plaisir à Madame de Souvré, la cour a décidé de les baptiser les Sablés puisqu'ils venaient de Sablé-sur-Sarthe. D'accord, parfait. C'est bien ce petit rappel historique important. Alors vous les faites, vous, chef, les Sablés? Oui, exactement, oui. Voilà, bah c'est obligatoire, hein, évidemment. Oui. J'imagine que les gens qui viennent, ils veulent goûter aux spécialités. Locales. Rillettes, petits sablés. Voilà. Obligatoire aussi. La maison du Sablé, on rappelle les ingrédients d'un petit sablé, tiens, déjà. Il y a quoi dans un petit sablé? La farine, du beurre, du sucre, des œufs. Chez nous, du sel et un peu d'eau. Et un sacré tour de main pour avoir un bon résultat. Oui. Ça, c'est important. Vous en exportez. Le bon résultat étant tout autant visuel que gustatif. Très bien. Vous faites d'autres spécialités, notamment les croque-amour. Ça, c'est votre. Oui, ça, c'est un produit également tout à fait intéressant. Ce sont des amandes et des noisettes enrobées d'une meringue à laquelle on ajoute une saveur. Alors, évidemment, toujours sous forme d'extrait naturel, jamais de choses artificielles chez vous. C'est très artisanal, évidemment, chez vous. On en reparlera dans quelques instants. Est-ce que Sophie Elie et Polo sont déjà sur le marché? On a mis le temps pour arriver, mais on y est. Ouais, parce que c'est loin, hein. C'est loin, mais c'est beau. Hein. C'est pas la porte à côté, ça, c'est sûr. Hein. C'est loin, mais c'est beau, ça vaut le coup d'être là. C'est un petit marché, celui du vendredi. Il y en a un peu plus important le samedi, Polo ? Aussi important, oui. Petit, pas plus, mais autant, ouais, peut-être, ouais, le samedi matin. Mais je viens plus le vendredi, moi. Mais ça tombe bien, parce qu'on est vendredi aujourd'hui. Alors, il y a quelques commerçants que Polo connaît. Et puis, il me disait aussi, Polo, qu'il a connu, en revanche, le marché de Sablé, qui faisait quasiment toute la ville, on peut dire. C'était le lundi, un grand marché où, à l'époque, il y avait encore des animaux, place des champs de foire. Vous voyez, il s'en est passé des choses à Sablé, les choses ont évolué aussi, bien sûr. On est devant l'étal du fromager. Bah, on ira lui dire un mot tout à l'heure, si vous voulez bien. Dans quelques instants, on va écouter un peu de musique et puis on va se retrouver avec tous nos invités autour du plateau. Et puis vous, Sophie, avec Polo, en direct du marché de Sablé-sur-Sarthe. Vous venez nous voir au pub Élysée. En plus, Bernard Lehard de la Maison du Sablé, voilà, vous met des beaux petits sablés de côté pour tout à l'heure pour la Sarthe au Trésor et le Château Magique. Allez, à tout de suite. France Bleu Mel, première radio dans le cœur des Saboliens, en direct de Sablé-sur-Sarthe. France Bleu Mel. Son bel avenir, la copie du pianiste. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la copie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire à part rêver seule dans son lit? Le soir entre ses draps roses, elle passe sa vie à l'attendre, pour un mot, pour un geste tendre, la copie du pianiste. Devant l'hôtel dans les coulisses, elle rêve de la vie d'artiste, la copie du pianiste. Elle le suivrait jusqu'en enfer, et même l'enfer c'est pas grand chose. Sur ses désirs, la copie du pianiste. Elle sait rester là sans rien dire, pendant que lui joue ses délires, la copie du pianiste. Quand le concert est terminé, elle met ses mains sur le clavier, en rêvant qu'il va l'emmener passer le reste de sa vie. Elle sait comprendre sa musique, elle sait oublier qu'elle existe, la copie du pianiste. Mais Dieu que cette fille prend des risques, amoureuse d'un égoïste, la copie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Seul dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle est, elle est là. Plus que tout, elle est, c'est beau comme elle est. Elle est, elle est là. C'est fou comme elle est, c'est beau comme elle est. Michel Berger sur France Bleu Mel avec la groupie du pianiste. 10h, 11h, les cordons bleus sont en direct de Sablé-sur-Sarthe. Avec Bernard Loewe, le directeur de la Maison du Sablé, Marie Jacquet et Didier Serre, c'est le chef du Grand Hôtel de Solesmes. Et sur le marché, nous avons Sophie Elie avec Polo. Oui, avec Polo, avec Robert. Bonjour Robert. Et puis avec Monique, est-ce que vous connaissez Monique de Sablé, Emmanuel? Oh bah oui, on la connaît. Voilà, c'est une auditrice fidèle de France Bleu Maine et qui je vois quand j'arrive sur le marché. Monique. Monique, bonjour Monique. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel, bonjour Polo, bonjour Robert. Alors Monique, vous aimez bien venir justement sur le marché. On disait que c'est pas un très gros marché celui du vendredi, mais vous l'aimez bien ce marché? Oui, j'aime bien ce marché-là, j'aime bien aussi celui du samedi. Puis je vais en profiter aussi pour faire un petit coucou à tous mes collègues de la Bibliothèque Nationale de France, là-haut au château, là qui m'écoutent. On les voit pas par la fenêtre, non? Merci Monique. Et puis on est avec Polo, bien sûr, devant l'étal du fromager. Un fromager que vous connaissez bien, Polo? Ah oui, effectivement, puisque ben, c'est là que je m'approvisionne. Il est derrière, peut-être pouvoir donner un petit mot tout à l'heure. On va m'y aller maintenant. On y va maintenant, si tu veux dire un petit mot. On y va, pas derrière. Fred, on peut venir? Il va me guider, Polo, là en face. Oh là, c'est les coulisses du marché, attention. Ouh là là. Hop. Donc on va aller voir Fred qui est en train de servir un fromage. Bonjour Fred. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de servir? Du coulommier. Un coulommier pour madame. Voilà. Fred, vous le connaissez depuis combien de temps? Ah bah depuis que je viens là, ça fait au moins une dizaine d'années. Oui, mais il est jeune. Il est jeune. 8 ans. Avec un beau stand, hein. On peut voir qu'il a vraiment des fromages qui viennent d'un peu partout. Ce qui fait son succès. Donc Fred, qu'est-ce que vous avez là en ce moment? À peu près voilà, 150 fromages, sortes de fromages à peu près. Voilà, la saison commence, c'est les chèvres, hein, c'est la saison qui commence. Après, on a plein de fromages, on a aussi des fromages anglais, autrichiens, qui sont des très belles ventes parce que c'est très très bon. Des alpages autrichiens notamment, c'est une tome. Ils coupent les fleurs à la faux, hein, ils les font sécher et ils les mettent sur les tomes pour les affiner. Et il faut tout manger avec la croûte. Et c'est extraordinaire. C'est un fromage autrichien? Oui. D'accord. Vous connaissez pas juste, Polo, juste à côté de la Mayenne, c'est les Mayennais, Fred. Polo, il y a un fromage que vous préférez? C'est quoi vos goûts en matière de fromage? Moi, j'aime bien le Carl. Le Carl, c'est le Roquefort. Mm-hmm. Avec un bon vin, d'abord, Emmanuel doit savoir ce que c'est. Ah bah, tout de suite, c'est excellent, incroyable. Et j'adore ça. Par contre, on peut signaler qu'on s'est fait agresser, Sophie? Oui, alors il y a eu un petit souci, Emmanuel. Donc, Polo va vous raconter ce qui s'est passé. Ouais, on s'est fait agresser, Emmanuel, je vais vous expliquer. Ils m'ont confondu sur le marché avec Mathieu Gallet. Alors, c'est dû à mon physique, sûrement. Et les gens sont très fâchés, vu qu'en ce moment, il y a des problèmes à l'antenne. Ils m'ont confondu avec Mathieu Gallet. J'étais un peu embêté. Hein. C'est vrai que physiquement, bon, on peut se tromper, hein, quelquefois. Bon, on vous retrouve dans quelques instants avec un autre commerçant sur ce marché de Sablé. Nous sommes en direct ce matin. Bernard Loewe, tiens, il y a une auditrice qui s'appelle Sandrine, voilà, qui sonne à la porte du pub Élysée et qui a une question à vous poser. Je rappelle que Bernard Loewe, c'est le directeur de la Maison du Sablé. Bonjour Sandrine. Bonjour Emmanuel, bonjour à vos invités, bonjour à tout Sablé. Oui, on vous écoute Sandrine. Voilà. Moi, mon oreille a traîné tout à l'heure, j'ai entendu un croque-amour, le petit gâteau, et j'aurais bien aimé avoir la recette parce que ça donne vraiment envie, voilà. Ah, la recette, je suis pas sûr qu'il va la donner, la recette du croque-amour, Bernard Loewe. Vous avez mis du temps à la mettre en place, en plus, de mémoire. Oui, puis en plus, on l'a fait évoluer régulièrement. Alors, je peux vous dire bonjour, madame. Bonjour. Alors, je peux vous dire ce que je dis quand je reçois des cartes de touristes. Ce sont des amandes et des noisettes enrobées d'une meringue, à laquelle on ajoute différentes saveurs. Donc, aujourd'hui, nous avons 5 produits dans cette gamme. Vanille, chocolat, framboise, orange cannelle et café. D'accord. Vous êtes sur. Il y avait une gamme salée aussi, vous avez continué? Oui, ça. Oui, nous avons créé une gamme de produits pour l'apéritif en nous inspirant de la recette des croque-amour. Voilà Sandrine, ce qu'est le croque-amour. Ah bah, vous essaierez de le refaire à la maison, mais je vous conseille plutôt de venir à la Maison du Sablé, ici à Sablé, pour les acheter. On vous offrira un petit paquet d'ailleurs tout à l'heure de croque-amour si vous venez jouer avec nous ici au pub Élysée, dans la Sarthe au Trésor et le Château Magique. Allez, à tout de suite. Destination Soleil. France Bleu Maine crée l'événement mardi 7 avril au cinéma Pâté Quinconsommant. Rejoignez-nous pour une soirée exceptionnelle avec, à 20h, la projection du film L'Auberge Espagnole. Un voyage d'une semaine aux Canaries pour 2 personnes à gagner. Et dès 18h, de nombreuses animations gratuites dans le hall de votre cinéma. Démonstration de salsa, flamenco, sangria à volonté. Destination Soleil, mardi 7 avril au cinéma Pâté Quinconsommant. En partenariat avec Carrefour Voyage et Top of Travel. Un événement France Bleu Maine. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Maine et réservez votre soirée sur cinémagaumontpâté.com. France Bleu. France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Marc Emmanuel est votre invité. L'animateur de l'émission Tous Ensemble est devenu le sauveur des familles en difficulté. Il viendra nous parler de cet engagement qui lui est cher. Et puis à ses côtés, le groupe Imouvrini, car ils sont de retour pour nous faire voyager direction la Corse. Des bonnes actions en chanson dans France Bleu Midi, ensemble. France Bleu Midi, ensemble. Tout à l'heure, de midi à 13h30. Aujourd'hui à 11h, dans la Sarthe au Trésor. Vous venez jouer en direct ici au Pub Élysée. C'est une première, ça. On vous posera les questions en direct. Donc on vous attend, Pub Élysée, place Raphaël Élysée, pour repartir avec notamment des petits sablés de la maison du sablé et puis deux invitations pour aller voir les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus 2. C'est au Palais des Congrès de la Culture et c'est mercredi prochain à 20h. A tout à l'heure. France Bleu Maine. France Bleu Maine. Info trafic. Bon, pas grand chose à vous dire, ça roule plutôt bien ce matin a priori sur l'ensemble de la Sarthe. Je n'ai pas de radar à vous annoncer, ce qui ne vous empêche pas de respecter les limitations de vitesse. Nous avons un peu de monde en ce moment sur l'avenue, bah non ça a changé sur mon écran, avenue Rhin et Danube, il y avait un peu de monde mais pour l'instant voilà, ça roule très très bien sud, nord du département et ainsi qu'au Mans. Si, deux petites difficultés quand même, deux petits ralentissements, avenue Docteur Jean Mac et puis de l'autre côté sur l'avenue Félix Genestlé. 10h, 11h, les cordons bleus sont en direct de Sablé-sur-Sarthe. On retourne dans quelques instants sur le marché avec Sophie Elie en compagnie de Polo l'humoriste et on repart du côté de Solesmes. Alors Solesmes, Sablé, Marie-Jacquet, c'est quoi? C'est 3 km même pas? 3 km à peine, 3 oui. 3 km à peine, voilà. À peine. On peut faire à pied d'ailleurs, suivre un le peu long la de la Sarthe. C'est très très joli dans le secteur. Chef Didier oui. Serre, la nouvelle carte qui commence la semaine prochaine. Exactement, oui, on va la lancer mercredi ou jeudi prochain. Avec du grand classique, moi avec je vois, grand, voilà. Oui, oui. Le homard des côtes bretonnes, voilà, ouais. Le dos de bar, un le suprême de poulet de Loué. Voilà, la sole meunière, voilà, voilà. C'est des beaux classiques français. Exactement, oui. J'ai envie de dire, à peine revisité un petit peu quand un même. Un petit peu de temps en temps, oui. Voilà, quand on regarde la sole meunière, l'accompagnement, une purée de fenouil à l'orange par voilà. exemple, voilà. Ouais. On est dans le classicisme Marie-Jacquet, mais avec la pointe d'originalité. Voilà, c'est ce qu'il faut, rester classique, faire découvrir la vraie cuisine française avec des bons produits, c'est le plus important. Voilà, voilà. Avec des menus pour Pâques aussi. Il vous reste quelques places là pour Il reste encore quelques places pour dimanche bien. De Pâques, voilà, avec un menu qui commence avec des asperges, avec des copeaux de foie gras fumé. Les premières asperges, la exactement, chef. Hein. Oui, exactement. Ça oui. y est, le printemps, enfin. Oui, enfin, oui, enfin, oui, tout enfin. Fait, oui. Avec du foie gras fait maison, après une déclinaison autour de l'agneau, parce que l'agneau de oui, Pâques. Pascal. Ensuite, pour le fromage, c'est un croustillant de Saint-Fiacre qui est un fromage mayennais, donc on voilà, les produits de région à l'honneur, et en dessert, un nid de Pâques traditionnel au café. D'accord, bah très bien. Voilà, voilà. C'est classique. Et puis, on en parlera un petit peu avec Polo, parce que je crois que c'est un client assez régulier qui ne vient pas que pour vos chaussures, Marie, il si vous étiez avec nous tout à l'heure. Il vient surtout pour mes chaussures. Ouais, c'est ah, bah vrai, si, vous confirmez. Oui, voilà. Mes chaussures, mais pas que. Mais aussi, pas que hein, vient... aussi pour le poulet de Loué, le janière et le soufflet chaud au Cointreau. Voilà, voilà. Qui est une de vos spécialités, ça, Didier? Le soufflet, oui, au Cointreau, mais de différentes façons, je le travaille. D'accord, tout à l'heure, on prendra le temps quand même de la petite recette de suprême de volaille de Loué, bien voilà, évidemment. Exactement, oui. Avec un petit beurre d'herbe, là, voilà. Pour fêter le printemps aussi dans l'assiette. Chef, vous nous direz ça. Sur cette carte, alors ce qu'il faut dire, Marie, ce qui est très important, c'est pas une tarte à la crème, justement, c'est que chez vous, voilà, il y a des produits frais et bruts qui rentrent en cuisine. Exactement. Et puis le chef, il les transforme et ça se retrouve en salle. Voilà, il ouvre pas seulement une poche, il fait vraiment du travail. Et voilà, du début jusqu'à la fin. Mais... Et ça, c'est très important de le souligner. Voilà, belle maison. Vous avez une autre maison en Bretagne aussi, je crois. Oh, une toute petite maison en Bretagne, au bord de la mer, oui. Voilà. Un relais et château, fort agréable, voilà, juste en bord de mer. Voilà, c'est votre papa hein, qui tient mon ça. Mon papa voilà. Et surtout mon beau-frère et ma sœur. Mon beau-frère a repris la cuisine et un macaron Michelin. Donc voilà. Voilà, c'est juste non, mais comme c'est bien, ça, au peut... passage. Non, mais on vient voilà. Et puis après on peut aller on au bord de la mer. On peut aller jusqu'au hein. bord de la mer, voilà, c'est reste où, de la famille. C'est où, bah, dites, n'hésitez voilà, pas. Voilà, c'est juste à la pointe de Penlance et juste au sud de Vannes, donc à 2h15 de Sablé, en respectant bien les limitations de vitesse. On dans peut le aller Morbihan. Se faire plaisir. Exactement. Très bien. Sophie, vous en êtes où? Vous n'êtes pas dans le Morbihan, vous êtes sur le marché. Non, je suis sur le marché avec Polo. Alors, c'est vrai qu'on rencontre pas mal de monde parce que Polo connaît tout le monde. En effet, on le constate quand même quand vous êtes sur le marché, Polo, que vous connaissez du monde ici. Ben, on connaît du monde, vu que je suis de la région et puis que tous les vendredis, pratiquement, je viens faire un tour. Donc, forcément, il y a des habitudes qui se prennent et ben, on rencontre beaucoup de gens. Alors, voilà. Il aime bien le fromager, il aime bien le poissonnier devant lequel on est passé. Puis là, on a aussi la maison Vivier qui est ici sur le marché de Sablé, hein, Polo. Qui fait de la volaille élevée en plein air. On a le temps d'aller dire un mot, Emmanuel, là ? Oh bah je pense, oui. Ouais, oui, on peut y aller, on va on aller voir. Pas, hein. Ce monsieur, monsieur Vivier, qui m'a donné son prénom, c'est Bertrand, bonjour. Bonjour. Et Bertrand Vivier, d'ailleurs, qui est peut-être connu des auditeurs de France Bleu Maine du temps des Pieds sur Terre, il y a eu un livre aussi à ce moment-là, et vous faisiez partie des éleveurs sélectionnés pour paraître dans ce livre, et voilà, et on est ravis de vous retrouver ce matin sur le marché. Alors, qu'est-ce que vous allez offrir ? Est-ce qu'il va y avoir des choses un petit peu particulières, là, à l'approche du week-end de Pâques, ou on est toujours dans la tradition de ce que vous faites ? Eh bien, on est toujours dans la tradition volaille fermière, pintade, canette. Et après, aujourd'hui, je développe aussi un petit peu de pâté de volaille, pâté de lapin, vu que j'ai un petit peu de lapin aussi. Et dans l'avenir, je suis aussi en train de faire un peu des chipots, des merguez de volaille, pour rester dans la gamme volaille, pour développer notre activité volaille. Si vous vous êtes retrouvé dans le livre Les Pieds sur Terre, c'est que vous avez une façon de travailler le produit avec respect. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce travail ? Ben en fait, c'est du travail de génération. Je suis la quatrième génération sur l'exploitation. Et c'est un travail familial où on a appris, on a développé au fur et à mesure des années notre méthode. Et aujourd'hui, on a une méthode qui marche bien. On a une volaille de qualité. Donc les gens, c'est ce qu'ils recherchent aujourd'hui. C'est la maison Vivier à Chemiré-le-Gaudin. Vous êtes le vendredi donc sur le marché de Sablé et le reste du temps ? Bien, je suis sur les marchés, pardon. À partir du mercredi, la Flèche, le jeudi, la Suze, vendredi, donc Sablé. On revient à Sablé le samedi et sur Coulaines, côté du Mans, et au Mans, le dimanche, au Jacobin. Voilà, merci beaucoup, Bertrand. C'est noté, merci Sophie. On vous retrouve dans quelques minutes après un peu de musique avec tous nos invités ici en direct de Sablé, en direct du pub Élysée. France Bleu Maine, en direct du pub Élysée à Sablé-sur-Sarthe toute la matinée. France Bleu Maine. Venez nous rejoindre. Ce matin de lumière, quand le ciel m'a fait roi, jardin de prière en un claquement de doigts. De secondes absentes en minutes éperdues, j'oublie toutes les heures du temps perdu. L'histoire nous emporte et prendra des détours. Je veux lire mon avenir dans tes yeux tous les jours. Le cœur dans les étoiles, faire comme si j'y étais. Les peurs qui s'installent dans tout ce que je fais. Passé pas si simple, souvenirs imparfaits. Quand ton regard transforme tout ce que j'étais. Les mots, les silences nous bâtissent une tour. Je peux lire mon avenir dans tes yeux tous les jours. Et je n'ai plus le choix. Bouquet de mystère, parfum d'une victoire. Je guéris de l'enfance quand je suis près de toi. Je ne veux rien d'autre, mais pour toi je veux tout. Je peux lire notre avenir dans tes yeux chaque jour. Patrick Fiori, c'est son nouveau sur France Bleu Maine, s'appelle Dans tes yeux chaque jour. 10h-11h, les cordons bleus sont en direct de Sablé-sur-Sarthe. Lors du café, on a des belles agapes aussi sur le plateau, grâce à Marie Jacquet et Didier Serre, le chef et la directrice du Grand Hôtel de Solème, avec Bernard Loer, aussi le directeur de la Maison du Sablé. Je crois d'ailleurs que Sophie, Ellie et Polo sont en route du côté de votre boutique, Bernard. Alors attention, hein, parce que Polo, il peut tout vous renverser dans votre boutique. Faites attention à vous. Didier Serre, qu'est-ce que vous nous avez amené? Petit assortiment de mini-hardises bien sympathique là. Alors, c'est des petits amuse-bouches salés. Là, il y a un petit canapé saumon fumé avec une petite crème au réfort. Une petite tartelette œuf de caille et crème moutarde. Voilà, clin d'œil à Pâques, bien sûr, avec le petit œuf. Et un petit millefeuille de rillettes de la Sarthe. Voilà, très bien. Et magret fumé. Tout ça est fait maison, bien tout sûr, fait, oui. Didier. Tout, on est bien tout d'accord. À fait de A à Z, on fait la cuisine. De A à Z. Voilà. Petite recette, allez, vous prenez papier crayon. Évidemment, la volaille de Loué à l'honneur, hein, sur la table du Grand Hôtel à Solème. Bah oui, c'est normal. Étant donné que Loué, LDC est attablé, on travaille beaucoup la volaille de Loué. Ouais, puis c'est toujours pareil. Les gens, ils voient le panneau Loué là sur l'autoroute, ils se disent j'ai envie de manger de la volaille de Loué. Et c'est important. Mais oui, mais c'est important. Mais on le dit aux restaurateurs. Il y en a qui font de la volaille, mais c'est pas de la volaille de Loué. Ah c'est non, pas, normal, pas dans ça. La région, il faut pas. Mais c'est pas possible non. Ça. Sinon, on va se fâcher avec tout le monde. Ah oui. Puis elles sont bonnes les volailles de Loué. Oui, tout à fait, oui. Voilà, c'est quand même de la bonne qualité. Un petit suprême de volaille, chef, on vous écoute pour la recette. Voilà, donc. Mettez vos lunettes, n'ayez pas peur. C'est de la radio, on vous voit pas, vous. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai travaillé un petit suprême de volaille de Loué, étant donné qu'on est dans la région. Contiser au beurre d'herbe. Alors contiser, c'est incorporer entre la chair et la peau une tranche de beurre aux herbes. Contiser, ça s'appelle. Ah, un terme culinaire, ça c'est bien ça. Donc alors, le beurre contisé, on met quoi dedans? Alors, il faut du beurre, ce qui est logique. Ouais, c'est jusque-là tout va voilà. Bien, voyez-vous. Du persil, du cerfeuil. Et de la poudre d'amande. D'accord. La poudre d'amande a empêché le beurre de trop fondre et qui reste bien ça entre les deux. Ça va tenir à la cuisson. Voilà. Très très bien. Donc on mélange tout ça. Voilà, il faut hacher les herbes, ramollir le beurre et incorporer les herbes, le beurre et les amandes. D'accord. Les poudres d'amande. Donc là je regarde, c'est 10 grammes de persil, 10 grammes de cerfeuil, 10 grammes d'amande en poudre et 120 grammes de beurre. Voilà, tout à fait. Ouais. Ça on est pour 4 suprêmes. Ouais, à peu près. Très bien. Et après comment on va le glisser entre la... Alors, une fois que le mélange est prêt... On prend un papier film alimentaire. D'accord. On met le beurre dedans et on essaye de faire un rouleau. Très bien. Voilà. Et on le laisse durcir au frigo après. Ok. Et après la cuisson, on fait comment? Alors, avant la cuisson, on incorpore donc cette tranche de beurre aux herbes entre la peau et la chair du poulet. Et après, on prend une poêle légèrement chaude avec un peu d'huile et du beurre et on colore les deux faces. D'accord. Et après, on enfourne 8 à 10 minutes au four. À combien, là, on est à 180 degrés, à peu près. 180 degrés, très bien. Petit accompagnement, on mettrait quoi avec ça? Voilà, bon, alors, y a pour les amateurs de champignons, une poêlée de champignons, ah, c'est oui, très bon. C'est très bien. Purée, des belles purées aussi. Une bonne purée de pommes de terre. Et voilà, il y a les petits légumes qui arrivent, là. Ouais. Donc, les petits pois qui commencent à arriver. Donc, jardinière légumes, de voilà, légumes, voilà. Ça, super. Ben, on la prend, cette recette. voilà. On la retrouve à la carte, ça, cette recette, ou non? C'était spécialement pour l'émission. Très, très bien. Sophie, où en êtes-vous, ma chère Sophie, avec Polo? Eh bien, nous allons tout simplement rentrer dans la Maison du Sablé avec Polo. Allez, on y va. N'ayez pas peur. Il y a Bernard Loer qui se penche, là, puis qui regarde l'entrée. Et après, oui. Est-ce qu'il a prévenu au moins la vendeuse? Attention. Renversez rien, Polo. On cherche Evelyne. Elle n'est pas là, Evelyne. Elle a beaucoup de travail, Evelyne. Mais si, c'est Evelyne. Mais oui, c'est Evelyne, mais elle est débordée. Elle est débordée, ben oui, regarde. Elle est quand même en train de parler en direct sur France Bleu Maine, Evelyne. Juste un petit mot. On a le patron là qui est avec nous au pub Élysée. Mon patron qui est au pub. Ouais. Faites attention, il est au bar. Il est au bar, votre patron. Elle l'ignorait. Monsieur Loer, si vous m'entendez, nous sommes débordés. Donc, pas trop longtemps au pub. Hein, c'est oui, oui, mais écoutez, je suis au bistrot pour le moment. Au bistrot, il va revenir. Il arrive. Justement, on a parlé des sablés classiques, hein, de la boutique, mais est-ce que pour... je vois qu'il y a des chocolats aussi, et pour Pâques, vous avez peut-être des ventes un petit peu exceptionnelles. Ah oui, alors Pâques, on vend beaucoup de chocolats, et c'est le moment, hein, de vendre. Donc on a beaucoup de chocolats de Pâques, des œufs, des poules, noir, lait, des petits œufs, des petites fritures, voilà. Bonjour madame, elle cherche des marrons glacés, la dame. Ah ben voilà. Ah ben non, mais regardez, il y a plein de choses, madame. Il faut pas hésiter à regarder ce qu'il y a ici. On va essayer de leur faire des ventes. Pour ouais. Le chocolat de Pâques a le goût du marron glacé chez Monsieur Loer. Faut le savoir. Ça, c'est un beau slogan. Ouais. On a peut-être réussi. Ouais. On va peut-être réussir parce que madame, vous vouliez des marrons glacés, c'est ça ? Mais c'est pour ma fille. Mais regardez, il y a plein de belles choses ici. C'est vrai qu'on a parlé aussi des croques amour, c'est ça ? Et je constate qu'ils existent à plein de saveurs différentes. Hein. Tous les parfums. C'est quoi votre parfum préféré ? La rillette, le rillette. Le sablé rillette, c'est un des meilleurs. Bernard Leroy, il vous fait une bonne pub là, Polo. Oui. Hein. Oui. Je vois Bernard Leroy se décomposer de seconde en seconde. Ah non, quand même pas. Non. Vous le voulez comme employé, Polo ? Parce qu'il est dispo pour venir faire mais ça pourrait être intéressant. On a besoin d'imagination et de créativité. Donc bientôt le sablé Polo, peut-être, ici. Ben, peut-être, en tout cas, ça sonne. Hein. En effet, il y a du monde dans la boutique. Il y a du monde. Merci Sophie pour cette visite un peu impromptue. Hein. Voilà, alors laissez le commerce travailler. Ça marche bien, Bernard Loer, vos petits sablés, quand même, dans l'ensemble. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes à une époque où il faut travailler beaucoup plus qu'avant. Pour vendre autant. Je vois Marie Jacquet du Grand Hôtel de Solesmes qui opine du chef. C'est dur en ce moment ou pas, le commerce, là ? C'est comme partout, c'est difficile, mais on essaie de bien tenir. Et je pense que la régularité et la qualité font qu'on y arrive. Voilà. Il faut de l'originalité, chef, aussi dans l'assiette. Et puis, il faut de la tradition. Oui, tradition. Est-ce qu'on peut le définir, ce client qui vient à Solesmes ? Parce que vous avez un peu la France entière, j'ai envie de dire. Et puis aussi localement, hein, comme Polo qui vient de temps en temps. On a Polo, oui, mais on a beaucoup d'hommes d'affaires aussi qui viennent pour Sablé, pour sa région, pour d'accord. toutes ses usines. Et oui. puis après, l'abbaye, le golf amènent également beaucoup de clients. Voilà. D'accord, donc voilà, il faut leur proposer quoi ? Qu'est-ce qu'ils attendent, la clientèle ? Qu'elle soit locale, il faut jongler entre le local et puis le national, international. Voilà, il faut aussi l'international, parce qu'on a beaucoup d'étrangers sur Sablé, Solesmes, de par l'abbaye et de par les usines sur Sablé. Donc il faut vraiment être ouvert pour toute possibilité et surtout faire découvrir notre région et la qualité de nos produits. Voilà, c'est important, je pense. Avec le service, je pense que tout d'accord. va après. Ouais, c'est une annexe de l'Office du Tourisme aussi, le Grand Hôtel. Un peu, oui. Quand l'Office du Tourisme est fermé, oui, c'est chez nous qu'ils viennent demander. Oui. Est-ce que les moines viennent manger chez vous de temps en temps ? Non. Jamais. Les moines n'ont pas le droit normalement de sortir pour venir déjeuner. D'accord. Voilà, on les voit de temps en temps pour la promenade du jeudi, mais normalement, ça s'arrête là. Oh, ça doit les démanger quand même de temps en temps. J'espère que ça les démange. J'aimerais bien traverser la route. Il y a plein de choses qui doivent les démanger, les moines, on est bien d'accord. Mais là, on ne veut pas savoir. mais en effet, moi, je serais moine, j'aurais voulu envie quand même de manger un jour. Non, mais ce n'est pas possible. Voilà. Normalement, non. Mais c'est vos voisins proches, on plaisante. Très bons voisins. Ils sont combien, les moines, d'ailleurs ? Une soixantaine, toujours à l'intérieur. Oui, voilà. D'accord. Jean-Grégorien, tous les jours, à 10h le matin, ils sont là. Il faut vraiment vivre cette expérience, parce que c'est ouvert, c'est gratuit. D'ailleurs, on peut assister. Exactement. Vous êtes juste séparés un peu dans cette magnifique abbaye. Mais alors, c'est d'une beauté, On est dans un monde à part. C'est un monde à part. Le chant grégorien nous transporte autre part et je pense que c'est important quand on vient sur la région de Sablé et Solesmes de s'arrêter, pousser la porte et d'aller écouter les chants grégoriens. Voilà, vous avez des gens évidemment qui sont chez vous à l'hôtel pour profiter de cette retraite et de ce temps. Oui, surtout pendant cette semaine de Pâques. C'est important de le souligner. Là, les gens arrivent pour 4 jours, ils font la semaine sainte à Solesmes avec le rythme des cloches et des offices. Voilà, et vous êtes ouvert toute l'année donc j'imagine ? Nous, on est ouvert toute l'année, juste une petite semaine de vacances juste après Noël. Sinon, on est là tout le temps, oui. N'hésitez pas à venir nous voir. Hein. Exactement, ça c'est une bonne conclusion. Chef, cette carte-là, vous êtes un peu fébrile comme tous les chefs avant. Ah, tout le temps. C'est compliqué de lancer une nouvelle carte. C'est stressant de savoir si ça va plaire. Bon, en règle générale, ça plaît tout le temps, mais c'est vrai que c'est toujours stressant de lancer une nouvelle carte. Déjà, faire découvrir cette carte à mon personnel. Oui, alors comment ça se passe ? On se met tous autour de la table, on goûte et on dit c'est pas mal, chef, ça. Quand ça va, quand ça plaît, c'est bien. Quand ça plaît pas, on le dit. Je le dis aussi, surtout moi, mais il faut que ça plaise à tout le monde et ça, c'est important. Voilà, donc on la travaille en équipe. C'est-à-dire que on lance la nouvelle carte, je commence à travailler sur la prochaine. D'accord. Et il y a toujours, je vois le soufflet chaud au grand marié. Oui, voilà, c'est ça. Alors, cher Apollo, a priori. Il est reparti au bar. Polo, c'est ça que vous aimez en dessert. Regardez, c'est la carte de printemps. Elle sort la semaine prochaine. Souffle au grand marié, ça c'est le soufflet ou le côté grand marié qui vous plaît le plus ? Sans le soufflet. c'est ça. Il vous demande ça en fait. Un soufflet en dessert. Alors, en dessert. Qu'est-ce qu'il prend ? Un soufflet, mais sans le soufflet. C'est surtout le Cointreau, qui recherche. Alors, ça varie. Ça peut être le grand marié, le Cointreau, La vanille. La vanille aussi. La vanille aussi. Bah, très bien. Allez au Grand Hôtel de Solesmes. Allez faire un tour ici, évidemment, à Sablé-sur-Sarthe, à la Maison du Sablé. Ce sont des, voilà, vous avez des philosophies assez communes, finalement, entre la Maison du Sablé et le Grand Hôtel. C'est-à-dire que, voilà, on est des vrais artisans qui essayent de travailler un petit peu dans l'excellence. C'est un peu ce que vous essayez de faire. Oui, je pense qu'on a, on a forcément le même discours parce que nous sommes sur un pied de qualité qui nécessite qu'on soit rigoureux à chaque instant, qu'on soit insatisfait tout le temps. Ouais, c'est important, ça. Et que on soit créatif tout le temps aussi. Je crois que c'est. D'accord. Voilà. J'imagine que vous avez déjà mangé au Grand Hôtel de Solesmes. Ah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, tiens? Ah moi, je. Puisqu'ils sont pas là, on en profite. Oui. Ah non, mais dites-nous. Je suis un grand fan. Il y a bien longtemps que je suis pas allé, parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Mais j'apprécie énormément cette cuisine. Moi qui suis originaire de Roanne. Ah oui, attention. Oh là là là là. On a quand même quelques références dans cette région. C'est ça, Roanne. Oui, bien sûr. Les frères Troisgros. Oui, oui, bien sûr. Et non, c'est j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup aussi en fin d'après-midi aller en fin de journée boire un apéritif. Boire un verre. L'été en terrasse. C'est très très agréable. Ah oui, ça vous faites aussi bar aussi si oui. On va faire la petite promenade là autour exactement, de l'abbaye. Exactement. Et puis comme les bonjours, j'espère vont arriver oui. Pas aujourd'hui, mais bon. Dimanche a priori. Dimanche, voilà. Après, on pourra venir déjeuner en terrasse ou même boire un verre l'après-midi ou en début oui. De soirée sans aucun problème. Bien. C'est bien ces établissements là qui sont ouverts aussi tout le temps. Voilà, c'est profiter. Important. Merci en tout cas d'être venu jusqu'au centre-ville. Ah oui, voilà. Ça vous a fait une sortie. Ah bah oui, la campagne, ça faisait loin. On est bien accueillis en tout cas ici au pub Élysée. Bernard Loher, Madame Jacquet, voilà, parce que je vous appelle Madame, parce que vous êtes la directrice de l'établissement. Oui, hein, Marie, ça suffira. Marie, ça suffit. La petite Didier Serre, le chef. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. France Bleu Maine, les cordons bleus. Demain, on va aller à Filly-sur-Sarthe ensemble à partir de 10h dans les cordons bleus pour découvrir. Alors, ça s'est appelé la guinguette, ça s'est appelé l'orange bleu. Et bien maintenant, c'est l'auberge du Moulin. Le Moulin Cyprien, parce que je vous rappelle que dimanche, France Bleu est partenaire aussi de la première fête de l'eau. C'est la première fête du côté de l'île Moulinsart. Nous serons avec le chef et la gérante de l'établissement qui, avec la farine du Moulin, nous font des bonnes recettes. On fera un warp notamment. C'est quoi un warp? Et bien, je vous conseille de nous écouter demain à partir de 10h. France Bleu Maine et la Fédération des Boulangers de la Sarthe vous offrent les croissants vendredi 10 avril. Rendez-vous à partir de 7h devant votre radio 17 Avenue Mendès-France au Mans. À pied, en voiture, en tram ou à vélo. France Bleu Maine. Venez nous rejoindre et repartez avec votre croissant. Chaud les croissants. Chaud les croissants. Chaud les croissants. Vendredi 10 avril à partir de 7h devant France Bleu Maine. Pour fêter l'arrivée du printemps, découvrez les conseils de nos experts jardins. En un clic, pour un petit balcon ou un grand jardin, ils vous font profiter de leurs conseils. Eh bien oui, c'est possible. Avec les bulbes à floraison printanière. Pour la belle saison, les experts jardins vous donnent rendez-vous sur francebleu.fr. France Bleu Maine, partenaire officiel de tous vos loisirs, vous offre Les Chevaliers du Fiel, au Palais des Congrès du Mans, vendredi 17 avril. Mon Dieu que c'est beau! Embarquez pour une croisière d'enfer avec nos deux chevaliers et leur multitude de personnages, tous aussi déjantés les uns que les autres. Oh, regarde Christian, on a une cabine qui donne sur la mer. Croisière d'enfer. Avec un bateau, c'est rare. Le nouveau spectacle des Chevaliers du Fiel au Palais des Congrès du Mans, vendredi 17 avril à 20h30. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Maine. Quentin qui, comme Polo, aime regarder les filles sur France Bleu Maine. France Bleu Maine. France Bleu Maine. Info trafic. Avenue du docteur Jean-Mac, je parle du Mans, bien sûr, on est à Sablé, là, mais on parle du Mans parce que c'est là que ça bouchonne. Toujours pas de bouchon à Loye, hein, toujours rien. Non, parce qu'on a un plan de circulation qui est très très élaboré, donc il n'y a aucun souci. Très bien. Et avenue Georges Durand aussi, il y a un peu de monde, boulevard de Morieux, et ça monte bien le tunnel, et ça descend bien aussi, ça vous fait plaisir aussi, ça. À Loye, ça descend beaucoup. Il y a des côtes, il y a des montées. Avenue Bollé, il y a un petit peu de monde aussi ce matin, soyez prudents et appelez-nous si vous rencontrez des difficultés au 02 43 29. 9-10-10. France Bleu Maine, le jackpot. Décrochez le jackpot sur France Bleu Maine. Le Futuroscope de Poitiers, rebaptisé Sophie, le Futuroscope de Sablé. Oui, absolument. Voilà, pour 4 personnes, 2 enfants, 2 adultes, c'est ce qu'on vous offre maintenant, il suffit d'appeler. À quel numéro, Polo, il faut appeler déjà? 02 43 29 10. Je savais qu'il connaissait par cœur. Allez, à tout de suite. Le jackpot, 02 43 29 10 10. France Bleu Maine à Sablé-sur-Sarthe. On est bien ensemble. C'est le duo Brigitte à Bouche que veux-tu sur France Bleu Maine. France Bleu Maine, le jackpot, le jackpot. le jackpot avec Stéphane. Stéphane qui nous appelle de Saint-Saturnin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va bien Stéphane? Ça va très bien. Vous avez très envie d'aller au Futuroscope. En plus, ah oui. Vos enfants ont 12 et 14 ans. Très envie d'aller au Futuroscope. C'est ça. Deux filles, ah, ça va leur plaire ça à mon avis. Voilà. Ça plaît aux filles et aux garçons avec plein d'animations. Mmh. Arthur et les Minimoy, il y a le Lapin Crétin, c'est la nouvelle attraction. Ah, ils sont là. Ils sont là, les Lapins Crétins. Voilà, vous avez entendu. Hein. Ça, c'est quand même. Voilà, ça, c'est ce qui vous attend au Futuroscope. Mais alors, attendez, c'est pas fait. On va d'abord lancer les rouleaux. Vous allez dire stop quand bon vous semble. Et si vous entendez trois fois le jingle France Bleu Maine, vous irez avec vos filles au Futuroscope de Poitiers pour une journée complète. Vous êtes prêt, Stéphane? Je suis prêt. On y va. Le Jackpot. Il faut dire stop, Polo, hein, c'est ça. Mais pas vous, Polo. Il a eu peur, il a sûr. Ah là, il a dit stop, Stéphane. Et on compte, là, Polo. Ça fait un, ça. Allons. Et deux jingles. Bah, c'est le mug France Bleu Maine, Stéphane. Très bien. Ben voilà, vous buvez quoi le matin? Thé, café ou janière? Du café. Du café, très bien. Ben, vous pourrez boire dans le mug France Bleu Maine, rien que pour vous. Bonne journée, Stéphane. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Prochain jackpot à 11h50 sur France Bleu Maine. Simplement qu'il m'appelle, qu'il m'appelle. D'où vient ma vie? Certainement pas du ciel. Lui raconter mon enfance, son absence. Je pouvais lui manquer. C'était Calogero sur France Bleu Maine. France Bleu Maine à Sablé-sur-Sarthe. On est bien ensemble. Avec le gars Polo, la fille Sophie aussi qui est là, évidemment. Alors, vous avez fait le marché tout à l'heure. On en parlera dans un instant. Il y aura une surprise, encore une surprise en plus, pour les gens qui vont jouer à la Sarthe au Trésor et au Château Magique. Le panier se remplit. Voilà, on ne dit pas. Vous voulez saluer un copain, Polo? Ah bah, Philo Boucher, Gambetta. Ah d'accord. Il est bien. Ah, il est très très bien. C'est Philo, Philo. Philo. Philo. Alors, pourquoi Philo? Bah, parce que c'est... Pourquoi pas? Super. Là, il y a des gens. Alors, à chaque fois, il y a des gens qui rentrent dans le café ici au pub Élysée. C'est Philo. Et puis ils tournent, ils se disent tiens, c'est bizarre, il y a un studio de radio. Et puis hop, ils disent ah bah, il y a Polo. Non, mais pas forcément. Non, mais voilà. Alors, vous avez eu encore plus de succès évidemment sur le marché aujourd'hui, Polo, parce que vous étiez avec Sophie. Exact. Bah, je suis pas non plus dupe. Effectivement, leur hein, parce que tout à l'heure, j'ai rien dit, mais non. C'était l'émeute. Non, c'était. Bah, écoutez, il y a pas. Je veux pas rivaliser avec Sophie. Alors, Polo là, qui vient en direct ici. Même si j'ai le physique de biais de Mathieu Gallet, mais autrement, bon, c'est vraiment de biais. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec les Nouvelles de Sablé aussi, hein? Avec, tout à l'heure, c'était fait. Ils sont passés. Ah, ça y est, c'est bon. D'accord. Vous serez sur les Nouvelles de Sablé dès jeudi prochain, Emmanuel. Ah, mais non, mais il fait tous les médias. Toutes les grandes informations sortent d'abord sur les nouvelles et sont renvoyées à l'AFP qui vous redonne les informations. D'accord. Le Financial Times aussi. Tout ça, Daily Mirror, etc. Daily Mirror, etc. LCI, tout ça. Très bien. Ça passe par les nouvelles. Dans un instant, on se retrouve pour le teasing, comme on dit, de la Sarthe au Trésor et le château magique de Sablé, évidemment, aujourd'hui. Rock, pop, blues, reggae, les talents du Maine sont sur France Bleu Maine. Leur actualité, leur univers, leurs influences, du lundi au vendredi à 18h50, entrez dans l'intimité des talents du Maine. J'étais pas spécialement chanteur, j'ai toujours eu un peu peur. France Bleu Maine, à la découverte de la scène locale, avec les talents du Maine, du lundi au vendredi à 18h50. France 2, même blouson, même humour et nouvelles affaires. Plus noir que jamais, Cain fait son retour. Vous avez un mobile gros comme une maison, pas l'ombre d'un alibi et cerise sur le gâteau. Un témoin à charge au-dessus de tout soupçon. Vous êtes dans la merde, mon vieux. Cain, nouvelle saison, le flic qui parle cash revient ce soir à 20h55 sur France 2. France Bleu Maine, partenaire officiel de tous vos loisirs, vous offre Alain Souchon et Laurent Voulzy en concert à Antares au Mans lundi 27 avril. Un événement musical. À l'occasion de la sortie de leur album Derrière les mots, le duo d'amis se réunit sur scène, ensemble pour un doux voyage musical et des balades pleines de poésie. Alain Souchon et Laurent Voulzy en concert à Antares au Mans lundi 27 avril à 20h. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Maine. Bleu Maine, première radio dans le cœur des Saboliens, en direct de Sablé-sur-Sarthe. France Bleu Maine, 11h midi, la Sarthe au Trésor et le Château Magique. De Sablé-sur-Sarthe. Voilà, on rajoute le truc. Vous êtes contente, Sophie, parce que comme vous êtes à Sablé, comme on est au pub Élysée, vous ne partirez pas aux oubliettes parce aujourd'hui. Que d'habitude, tous les jours, je m'en vais aux oubliettes à cette heure-ci. Donc là, pour une fois, vous êtes tranquille. Je tiens Polo, je ne veux pas partir. Hein, je m'accroche à Polo. Alors, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Vous le saviez, ça C'est le nom d'une pièce de théâtre. Exactement. Et ça va se jouer au Palais des Congrès et de la Culture mercredi prochain, à partir de 20h. Deux invitations. Puis alors, des cadeaux saboliens, en veux-tu, en voilà. Qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? Oh là là, des choses incroyables. Monsieur Bertrand Vivier, le volailler d'exception, a tenu absolument à nous offrir l'une de ses volailles pour remplir un poulet. Le panier. Allez hop, un poulet, c'est un parti. Un poulet à gagner aujourd'hui. Un poulet fermier, allez. Et vidé et plumé par Sophie. Ah ouais, en plus quoi. Donc ça doit être bien elle fait. Elle s'est battue longtemps. Et puis la maison du sablé, voilà, qui nous offre deux pochons de sablé, le vrai sablé croquant. On a goûté cette petite spécialité aussi. Au ça sera en dégustation. Hein. Alors on va se régaler dans un instant avec exceptionnellement des auditeurs qui sont ici à Sablé, au pub Élysée, dans la Sarthe au Trésor et le Château Magique, co-animé aujourd'hui avec Polo. A tout de suite. La Sarthe au Trésor et le Château Magique. Vous écoutez France Bleu Maine, première radio dans le cœur des Sartois et des Saboliens. Il est 11h. En raison d'un appel à la grève par plusieurs organisations syndicales portant sur les difficultés budgétaires et la défense de l'emploi à Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. Claire, the moment I met you. couldn't see then. The moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. To me, you're more than a child. Oh, Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. Moi, c'est la grisaille, hein, Polo. La grisaille aujourd'hui avec un peu de pluie ce matin. Et cet après-midi, des pluies continues. Voilà, on ne verra pas le soleil, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Les températures comprises entre 10 et 12 degrés. Demain samedi, ça va être mitigé. La matinée est encore bien maussade avec un ciel gris, quelques faibles pluies. Et l'après-midi, on retrouvera quelques petites éclaircies éventuellement. Les températures fraîches, hein, demain matin, entre 6 et 7 et entre 11 et 13. L'après-midi, ça s'arrange dimanche pour le dimanche de Pâques, avec un soleil qui brillera du matin au soir, un ciel peu nuageux. En revanche, les températures fraîches et puis le soleil sera encore généreux pour le lundi chaud, mais le lundi de Pâques. Voilà pour le menu météo de votre week-end. La météo avec le spécifique zoo. Animaux rares, présentation ludique et pédagogique, nombreux enclos de contact. À découvrir tous les jours à Spé. Plus d'infos sur www.zospé.com. La Sarthe au trésor et le château magique. Emmanuel Bordeaux. Eh bien, on va se retrouver, pas de questions de sélection, puisque ce sont les Saboliens et Saboliennes qui jouent aujourd'hui ici en direct du pub Élysée, à la Sarthe au trésor et le château magique, une émission qui sera co-présentée exceptionnellement par l'ami Polo. Hein, c'est la première fois que vous allez animer un jeu, ouais, mon cher Polo. Je suis très stressé. Il est tendu, Polo. Reprenez un petit four du Grand Hôtel de Solesmes, mon cher Polo. On se retrouve dans quelques instants avec de très beaux cadeaux. On vous offre déjà deux places de théâtre pour aller voir Les Hommes viennent de Mars, Les Femmes de Vénus 2, la suite. Le spectacle de Paul Devendre, ça sera mercredi prochain à partir de 20h au Palais des Congrès et la Culture du Mans. Deux paquets de petits sablés, regardez-moi ça, c'est pas mal. Et un poulet de la Maison Vivier, offert ce matin en direct sur le marché. Parce qu'il y avait Polo, comme dirait l'autre. Non, moi, parce qu'il y avait Sophie. Ah, parce qu'il y avait Sophie. Oh, je pense, oui. Parce que je passe tous les vendredis, moi, jamais m'en ouais, offert. Bah, allez, on se retrouve dans un instant avec notre première candidate qui s'appelle, je vous le donne en mille, Monique. Monique de Sablé. Attention, à tout de suite. La Sarthe au trésor et le château magique. Emmanuel Bordeaux. L'infotrafic en temps réel, c'est sur France Bleu Maine. Un radar, un ralentissement, un accident ou des travaux, faites circuler l'information. 02 43 29 10 10. On fait la route ensemble. On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert. La garde des enfants est accordée à la mère dans 7 cas sur 10 et les papas dans tout ça. Ils sont souvent les oubliés des divorces et des tribunaux. On se dit tout avec Eric Landroit, un papa papier. On se dit tout avec Vanessa Lambert. Ce soir, de 21h à minuit sur France Bleu. France Bleu. France Bleu Maine à Sablé-sur-Sarthe. On est bien ensemble. France Bleu Maine. J'aurais pu être un môme, un bout de chou qui sourit. Elle se fout d'être mouillée comme de la dernière pluie. Mais ici y a pas d'eau qu'un silence ordinaire qui ne cesse de peser sur nous comme un enfer. Moi ce que je voulais c'est jouer, mais pas avec ma vie. Je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici. Moi ce que je voudrais c'est danser pour faire tomber la pluie. Je vous regarde creuser. Comme un autre qui grandit loin des dunes d'Afrique, sans avoir à scruter, sans avoir à subir un ciel qui vous oublie, un ciel sans avenir. Je demande pas un ruisseau, encore moins une rivière. Je veux seulement jeter des bouteilles à la mer. Moi ce que je voulais c'est jouer, mais pas avec ma vie. Je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici. Moi ce que je voudrais c'est Africa, le collectif sur France Bleu Maine en direct de Sablé avec Derrick Cochet. La Sarthe au trésor et le château magique. Allez, on y va. Notre première candidate, c'est Monique. Bonjour Monique. Bonjour Emmanuel. Elle est stressée Monique. C'est Polo qui vous impressionne ou bien? Oh, pas du tout. Ah bah c'est vous, c'est Polo. C'est sympa. Vous avez déjà impressionné des gens de par votre physique déjà? Oui. Pour ceux qui vous connaissent pas, vous faites quand même. C'est l'armoire à glace, votre deuxième surnom. J'ai beaucoup perdu après l'armée. Mais ouais. À l'armée j'étais très 1m92, 95 kilos. Et maintenant? 1m68, 59 kilos. D'accord, très bien. Monique, faut choisir une porte hein, dans ce jeu, voilà. Alors faut les imaginer les portes parce que le château de Sablé c'est un peu loin. Et puis il y a un geôlier dans cette émission, il faut le savoir. Il est resté au château. Est-ce qu'il est là le geôlier? Je crois que c'est Kevin aujourd'hui. Bonjour monsieur le geôlier. Je vous trouve bien entouré. Oui, on est bien, vous auriez voulu venir, à mon avis, mon petit Kevin. Je ne connais pas ce petit à lunettes, là. Ah, le petit, elle s'appelle Paul. Voilà. Je crois que Kevin a envie de vous envoyer dans les oubliettes. Non, bah, qu'il attende un peu. Non, on va se détendre d'abord. Allez hop, un coup de fouet. Voyez Monique, faites attention. Enfin c'est bien, c'est à distance là, donc vous risquez rien. Allez, on va faire choisir une porte tout de suite à Monique. La porte 1, la porte 2 ou la porte 3? Porte 2. La porte 2 est choisie, nous l'ouvrons. Alors attendez, parce que je pense que la faiblette, elle est pas prête. Ah bah déjà. C'est bien ça, et bah voilà. Évidemment, alors, quand je suis pas au château, voilà. C'est toujours le même bazar. C'est n'importe quoi. Et c'est ça avec le petit personnel, vous savez ce que c'est. Voilà. Faut toujours c'est avoir bon, c'est bon, je vous, avez deux, vous avez deux de vos camarades d'ailleurs là, qui sont en train de prendre le café là. Oui, oui. Dans un verre à pied. Ils prennent le café dans un verre à pied. Ouais. Et je le trouve un peu jaune leur café. Pourtant, il est bon le café ici. À mon avis, il n'y a que de l'eau. C'est bon. Rappelez-nous la porte, s'il vous plaît. Porte 2, Emmanuel. La porte 2, c'est parti, la faibleuette. Bienvenue dans la salle des sports. Oh mon Dieu! Oh là là! Oh, et patatras! Pile ce qu'elle cherchait. Ah oui, c'est ce qu'elle voulait. Quand tu vois la tête, pile ce qu'elle. Alors je regarde la liste des salles, il y avait la salle des cuisines, ça vous aurait. Ah, ça vous aurait plu ça. Eh ben non, c'est la salle de sport. Ah ben ça, c'est ballot. Vous posez la première question, mon cher Polo, bien proche du micro. Alors, Monique, Loïc Perron. C'est un navigateur ou un footballeur? C'est un navigateur. Ah, d'accord. C'est noté. On ne donne pas les réponses tout de suite. Voilà. C'est noté. Combien y a-t-il de quilles à renverser au bowling? 10 ou 12? 10. C'est noté, Monique. Posez la dernière question, mon cher Polo. Alors là, un peu plus dur. Dans quel sport un carton jaune entraîne-t-il une exclusion de 2 minutes du terrain? Football? Attendez, il y a des propositions, sinon c'est coup de fouet. Ouais. C'est handball ou volleyball? Handball. Voilà, on dit handball parce que c'est allemand. Ah, ça, oui, c'est allemand, handball. Et le château magique. Mais ça, c'est complètement la marge. Oui, oui, c'est la marge. Nous faisons les totos. Ma chère Monique, Loïc Perron, c'est bien un navigateur. Ça vous fait déjà un point, ça. Ça vous évite déjà les oubliettes, Monique. Je sais que vous êtes stressé. Combien y a-t-il de qui à renverser au bowling? Vous m'avez dit 10. C'est la bonne réponse. Ça vous fait 2 points. Et dans quel sport un carton jaune entraîne-t-il une exclusion de 2 minutes du terrain? C'est bien le handball. Elle nous marque 3 points, Monique. Bravo. Ah bah bravo. Sous les applaudissements du peuple Élysée ce matin. On va retrouver une autre candidate dans quelques instants qui a été castée par Sophie Ellie, voilà, qui me regarde. Geneviève va nous rejoindre. Geneviève, que de suspense. Geneviève est appelée au micro. Et elle est déjà applaudie par Monique, Geneviève. Bravo. Allez Geneviève, il va falloir qu'elle marque 3 points, hein, Geneviève, parce que sinon c'est directement les oubliettes. Ah bah ça rigole pas mon gars Polo. Allez, on se retrouve dans un instant ici en direct du pub Élysée. Venez soutenir Monique, venez soutenir Geneviève. Polo. Et nous on est au café, et je vous rappelle. Contrairement... tout de suite. Surveillez-moi Manu, je sens que vous lui avez donné quelque chose à boire. À qui? À vous Emmanuel, vous parlez en yaourt. Non, vous témoignez plus. Non. Et au contraire, ça l'arrangerait même, on va peut-être y penser. À tout de suite. La Sarthe au trésor et le château magique, Emmanuel Bordeaux et la fée Bleuette. Aujourd'hui, France Bleu Maine passe la matinée avec vous en direct de Sablé-sur-Sarthe. À toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer tellement tu es belle. On va jeter des clés de la maison. On va rêver à d'autres saisons. On va quitter ces murs de prison. On va s'aimer sur une we Gilbert Montagnier. On va s'aimer sur France Bleu Maine. France Bleu Maine. France Bleu Maine. Info trafic. On retourne au Mans pour le trafic parce que ici à Sablé, bah écoutez, ça roule très très bien. En tout cas, place Élysée, c'est fluide. Hein. Ah, c'est très fluide. Ah, c'est très très fluide dans les verts, hein, surtout vos collègues là. Vous êtes venu avec une équipe, vous, Polo. Oui. Mais ils sont terribles. Ces gars qui sont aux espaces verts à Sablé. Voilà. Sur l'avenue Bollée, il y a un petit peu de monde en centre-ville du Mans. Rue Seyès, c'est un peu compliqué. Ça veut dire que la montée du tunnel est un petit peu embouteillée en ce moment. Le boulevard de Morieux, ça a l'air d'aller. Et puis au sud de la ville, boulevard avenue Félix Geneslé et avenue Docteur Jean-Mac, il y a un peu de circulation. Soyez bien prudents et respectez les limitations de vitesse, s'il vous plaît. La Sarthe au trésor et le château magique. Allez, on y va. La première candidate s'appelait Monique, la deuxième c'est Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour. Auditrice de France Bleu Maine. Oui, le matin. Le matin, impeccable. À Sablé, vous nous écoutez, je ne l'ai même pas dit depuis qu'on est là. C'est quand même ballot. 105.7, oui, 105.7. La fréquence. Vous la connaissez par cœur, ah bon. Vous ah. Nous le poste, il capte que ça, de toute façon. C'est bien simple. Geneviève, vous faisiez quoi avant d'être en retraite? Je vendais des chaussures. Des godasses? Oui. D'accord. C'est ce qu'on m'a dit là. Ah ouais, elle vendait des godasses. Je vendais des godasses. Elle vendait des godasses. Alors, ah, c'est pas des godasses que vous allez pouvoir gagner. C'est deux invitations pour le théâtre. Faudra venir nous voir au Mans d'ailleurs la semaine prochaine. Regardez les petits sablés aussi, ça va être pour vous. Ça, on va vous les offrir d'ailleurs directement. Oui, ça sera beaucoup mieux. Voilà, on va pas, ah, oui. On va pas offrir quatre paquets de gâteaux. On va mettre deux pour Monique, oh, bah, deux pour Geneviève. Mmh. Et Polo, ah, il regarde, non, c'est bon. Non, moi je suis bon. Mais la volaille, en revanche, il y a un poulet. Elle ne sera que pour la gagnante. Ah ouais. Elle connaît la maison Vivier, apparemment. Il est là, le poulet, dans le sac. Ouais. Il est prêt, hein. Franchement, on est bien accueillis. Et Geneviève est une habituée, apparemment, avec ses copines et ses copains du pub Élysée. Hein, c'est ça, Geneviève. Vous venez souvent ici, tous les vendredis. D'accord, vous venez prendre le petit café. Tous les jours, bientôt. Ah, bah c'est bien, ça. Faut en profiter dans la vie. Elles sont là. Elles sont là, les copines. Et les copains. Ils surplombent, là, faut voir. Impeccable. Bon, allez, vous êtes prête pour jouer On va essayer. Vous allez choisir une porte maintenant, Geneviève. La porte 1, la porte 2, la porte 3. Porte virtuelle, évidemment, c'est pas les portes du des toilettes au fond. Hein. Je voyais Polo, il commence à regarder. Non, je cherche mes copains qui sont bas. Ouais. Alors, 3. La 3. Eh bien, on va l'ouvrir tout de suite. Bienvenue dans la salle

et Geneviève. Y a-t-il des supporters de Geneviève ici? Ben, on aimerait vous entendre. Alors Geneviève. Alors, il faut dire qu'ils sont au Kyr là. Ouais, ouais. Et quand on est à Sablé, on est au pub Élysée, on est au Kyr, on n'a pas envie d'être dérangé. Vous avez raison, madame. Et moi, c'est pareil. Quand je prends l'apéritif, ça sera le cas d'ailleurs dans quelques minutes, Polo. Oui. On prendra une menthe à l'eau. Hein, mais je signale quand même qu'au départ, Geneviève disait qu'elle venait prendre le café. Oui, Geneviève. Hein, c'est ce qu'elle a dit au départ. On vient avec des copines prendre le café. Vous entendez? C'est ce qu'on a fait, hein. Ah, oui. Avant, hein, oui. Et faut se rapprocher du micro, Geneviève. Et dès 9h15, ça passe au Kyr. Oh non, quand même. Bon, je peux le dire, Geneviève, pendant le disque, vous m'avez dit, ça durera encore longtemps parce que j'ai l'apéro qui m'attend, moi. Ouais. Ah, vous l'avez dit, Geneviève. Bah, bien sûr. Bon, vous êtes à égalité. Vous avez été la première à jouer, ma chère Monique. Vous allez choisir une porte maintenant. Mm-hmm. Porte 1, porte 2. Derrière l'une de ces portes, il y a, oh, j'ai envie de dire le Graal un peu, c'est la salle du trésor. Et derrière l'autre porte, il y a les oubliettes. Il faut faire le bon choix. Voilà. Si vous rentrez dans la salle du trésor, Monique, vous avez fait le bon choix, Geneviève ira directement dans les oubliettes. C'est-à-dire, oubliette égale pas d'apéro, Geneviève. Donc là, ah oui, là c'est, voilà, parce que le fouet, tout ça, le geôlier, l'humidité, elles s'en fichent. Oui. Non, mais on va y aller tout de suite alors. Elle veut plus jouer, elle vous laisse la place. Mais non, Monique, vous choisissez une porte, s'il vous plaît. Porte 1, porte 2. Porte 2. On ouvre. Ah bah c'est les oubliettes pour Monique. C'est terminé pour elle. Plaf. Les oubliettes du pub Élysée. Voilà. On les écoute. Waouh, la salle du trésor. La salle du trésor, Geneviève, rien que pour c'est vous. Bien, alors, c'est ah voilà. C'est bientôt l'apéro, vous inquiétez pas. Vous allez choisir maintenant un questionnaire. Il faudra marquer 2 points pour tous les cadeaux, je vous les décrirai dans quelques instants. Un questionnaire sur la Sarthe ou un questionnaire sur Sablé? Prenez quoi comme questionnaire? Sablé, après. Bon, évidemment. Allez, c'est parti. Et c'est le gars Polo qui pose la première question. Si je vous réveille et je vous dérange, Polo, vous me le dites tout de suite. Non, hein. ça va. Allez. Vous êtes comme Geneviève, vous êtes un peu pressé de voir le... Hein, j'ai l'impression. Ouais. Alors, donc, première question, assez facile, je pense, pour Monique. Combien y a-t-il d'habitants à Sablé? Moins de 12 000 ou plus de 12 000? Plus. C'est noté. Deuxième question, facile aussi. Oui. Chaque année, 8000 enfants sont emmenés dans le parc du château de Sablé pour 6 heures de musique et de spectacle non-stop. Ça s'appelle Rock en stock ou Rockissimum? Rockissimum. C'est noté, Geneviève. Elle connaît bien sa commune. Combien y a-t-il de collèges à Sablé? 3 ou 4? Ah. Ah bah ça y est. 3. Qui a soufflé dans la salle? Vous dites 3, Geneviève, c'est noté. 3 collèges et la Sarthe au trésor et le château magique. Nous faisons les totos, fallait marquer 2 points. Regardez le sourire de Polo, à mon avis, ça doit être bon pour vous, Geneviève. Pour les petits sablés, pour la volaille de chez Vivier, et pour 2 invitations pour le théâtre pour venir me voir au Mans la semaine prochaine à 20h pour Les Hommes viennent de Mars et Les Femmes de Vénus 2. Combien y a-t-il de collèges à Sablé? Les copines vous ont aidé, mais vous le saviez, il y en a 3. Oui. Vous m'avez dit 3, c'est bon, c'est 3, ça fait 1 point. Chaque année, il y a plus de 8000 enfants, on en parlait tout à l'heure avec M. Ragaru, le directeur de l'office de tourisme, dans le parc du château, 6 heures de musique et de rock. Vous m'avez dit rock ici, môme. C'est la bonne réponse, c'est gagné! Elle a gagné, Geneviève! Bravo! C'est bien compliqué, non? Enfin, c'est sympa. Ah, ben oui. Combien y a-t-il d'habitants à Sablé? Vous m'avez dit plus de 12 000. Ouais. Le dernier recensement, c'était en 2012. 12 510 habitants, précisément, à Sablé-sur-Sarthe. Bien. Bravo! Oh. Les petits Sablés, c'est pour vous, ma Geneviève. Ah, ben dis donc, avec ça. Et regardez, le poulet de chez Vivier. Eh ben, c'est tout ça, c'est pour vous. Et à manger avec les copines. Faut qu'on fixe une date pour aller manger. Exactement. Et je peux vous dire qu'elle demande pas son reste. Geneviève, elle est déjà partie pour l'apéro. Là. Terminé. Ça, c'est plié. On rigole pas à Sablé. J'ai l'impression que les gens, ils rigolent pas à Sablé. Et elle est partie. Hein. Elles sont ravies. Des fois qu'on lui reprendrait. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir participé à la Sarthe au trésor et au château magique, mon cher Polo. On se retrouve dans quelques instants. Il y aura notamment le dernier jackpot de la journée pour repartir avec des invitations pour aller du côté du Futuroscope à Poitiers. Vous restez avec nous, bien sûr. Allez, on se fait la bise. Geneviève. On se fait la bise, à tout de suite. La Sarthe au trésor et le château magique, Emmanuel Bordeaux et la fée Bleuette. Destination Soleil. Destination Soleil. France Bleu Maine crée l'événement. Mardi 7 avril au cinéma Pâté Quinconsommant. Rejoignez-nous pour une soirée exceptionnelle avec, à 20h, la projection du film L'Auberge Espagnole. Un voyage d'une semaine aux Canaries pour deux personnes à gagner. Et dès 18h, de nombreuses animations gratuites dans le hall de votre cinéma. Démonstration de salsa, flamenco, sangria à volonté. Destination Soleil. Mardi 7 avril au cinéma Pâté Quinconsommant. En partenariat avec Carrefour Voyage et Top of Travel. Un événement France Bleu Maine. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Maine et réservez votre soirée sur cinemagaumontpâté.com. France Bleu Maine, partenaire officiel de tous vos loisirs, vous offre Assaf Avidan. Assaf Avidan en concert à l'Oasis au Mans lundi 6 avril. Le phénomène rock israélien, dont la voix se compare à celle de Janis Joplin, Robert Plant ou encore Jeff Buckley, fusionne folk, rock alternatif et électro dans un style unique. Assaf Avidan à l'Oasis au Mans lundi 6 avril à 19h. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Maine. France Bleu Maine en direct de Sablé-sur-Sarthe. Et même dans les coulisses de la Sarthe, on reste à Sablé parce qu'on parle de la marque Suplex KO, préparation diététique instantanée fabriquée en Sarthe depuis les années 80 à Sablé, dans une usine qui fabrique également les produits de la gamme Mandol, Sophie Elie. Et nous sommes avec Arnaud Vanier, le PDG des deux marques. Il nous présente une partie de son équipe, à commencer par Pascal. Là, je fais la préparation pour les mélanges. Tout est pesé. Donc, vous avez votre matière première que vous êtes allé chercher en fonction de ce dont vous avez besoin. Oui. Et ensuite, vous allez les mélanger. Voilà, c'est ça. Là, il y a de l'amande, du sirop de riz, du sucre d'acacia et de l'arôme. Donc, à partir de ça, on va obtenir quel type de produit ? On va obtenir notre granulé, on va voir la production, notre base, notre pépite nutritionnelle base amande, qui est le mélange donc d'amande, sirop de riz et fibre d'acacia. Donc justement, cette préparation, ce que je propose, c'est qu'elle va aller après dans la première étape pour les produits de la mandorle, qu'on appelle une co-extrusion, une soft extrusion, pour préparer ce mélange intime entre ces trois matières dont on vient de parler. Donc matière responsable de tous les produits extrusion. Beaucoup de concurrents vont faire du lait d'amande en poudre de façon lyophilisée. Nous, on a choisi de passer par un procédé de cuisson-extrusion parce que c'est un procédé qui va nous permettre de monter les teneurs en fruits par rapport au procédé de lyophilisation, par exemple, mais aussi qui va beaucoup moins abîmer le produit, ce qui va nous permettre de garder une teneur nutritionnelle très, très élevée parce que c'est un des axes de la mandorle, c'est finalement d'avoir des poudres à teneur nutritionnelle très intéressante, mais qu'avec des produits naturels. Dans les ateliers, ça fait un peu de bruit. On va avoir le trajet pendant tout l'extrudeur, une sortie à température et à pression atmosphérique. Derrière, les extrudés sortent quand même à une certaine température, donc on va avoir besoin de la refroidir. On a pu breveter ce process qui n'existe nulle part, même pas aux États-Unis. Et évidemment, on essaye de garder un peu secrètement nos petits trucs. C'est en fait comme une cuisinière, comme une pâtissière. Elle a ses petits trucs. Nous, on a nos petits trucs, même si ça passe dans une machine. Les secrets de la mandorle, ce sont aussi les compétences humaines. Mathieu est ingénieur chimiste. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la frontière entre la chimie et la biologie. Donc, je me suis orienté vers la chimie avec toutes les spécialisations, chimie des plantes, chimie du vivant, chimie naturelle, absolument pas la pétrochimie. C'est-à-dire qu'il était hors de question pour moi, pour ma conscience, pour être bien avec moi-même, de travailler sur les pesticides de demain ou sur les OGM d'après-demain, enfin, ou ce genre de choses. Voilà, c'est pour ça que j'explique un petit peu tout ça, c'est qu'effectivement, on ne pense pas à un ingénieur chimiste dans la bio, mais tout est chimie. Avec la chimie, on va se rapprocher de la médecine, de la pharmacie, de la nutrition. Alors, d'un point de vue nutrition, on a une nutritionniste qui elle va poser les bases de la nutrition. Moi, la partie chimie, mais elle va le servir aussi bien en extrusion qu'en formulation. C'est-à-dire, c'est toute la base organoleptique, c'est l'aspect technique. Chimie et nutrition hein, à Sablé-sur-Sarthe dans l'usine de fabrication des produits Suplex et la mandorle. Il y a un site internet d'ailleurs, Sophie, vous avez fait un reportage. C'était passionnant hein, cette semaine de reportage. Ouais, c'est vraiment des très bons produits. Suplex, la mandorle, tous ces produits, vous pouvez même les commander d'ailleurs par le biais d'internet. On vous fera votre petite livraison. C'est à Sablé-sur-Sarthe, évidemment. La semaine prochaine, les coulisses de la Sarthe, Sophie. Alors laissez-moi réfléchir. On va aller dans l'univers des créations des robes de mariée. Oh. Oui, ce sera à changer chez Hélène Lajoigny avec une jeune femme qui va se marier bientôt et qui vient essayer sa robe. C'est pas vous la jeune femme qui va se marier. Non, mais elle bientôt. S'appelle Sophie pourtant. Ah, bah très bien. Et bah à lundi 7h30. France Bleu Maine, première radio dans le cœur des Saboliens. En direct de Sablé-sur-Sarthe. France Bleu Maine. Sur France Bleu Maine, Sophie. Zazie, qui est le coach de Johan du groupe Charivari. Ah oui. Le morceau qui participe à l'émission The Voice. Les premiers directs, c'est demain soir sur TF1. Je crois que Polo a une autre une prononciation pour The Voice. The Voice. Nous, on dit The Voice avec le Raymond Lomé. The Voice. Merci. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels quand ils vous parlent d'eux? Il y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme. William Scheller sur France Bleu Maine, Sophie. Un homme heureux. Quelque chose à rajouter pour France Bleu Maine. Infotrafic. Infotrafic en direct de Loye, bien sûr, tout près de Sablé-sur-Sarthe, où on est la situation Polo à 11h42. Ça bouchonne un peu parce que là, les gens rentrent du travail. D'accord. D'accord. Pour déjeuner. Pour déjeuner, bien sûr. Ça va rebouchonner vers 13h15. Sinon, au Mans, bah, ça roule plutôt bien. Les gens sont restés peut-être encore sur leur lieu de travail ou sont partis déjà en week-end de Pâques. Bref, j'ai pas grand-chose à vous dire et c'est tant mieux. Ça roule plutôt bien. Pas de radar à vous annoncer pour l'instant. Soyez bien prudents tout de même sur la route. France Bleu Maine. Jackpot. Décrochez le jackpot sur France Bleu Maine. Le dernier de la semaine, le dernier de la journée. Eh oui, le jackpot pour les quatre invitations pour aller du côté du Futuroscope de Poitiers, dans la commune de Jaune-Éclan précisément. Hein. C'est bien ça. J'ai quelqu'un de la région Poitou-Charente là qui confirme. À cheval. Entre Chasse-Neuil du Poitou et Jaune-Éclan. Voilà. Ouais. On fait de la géographie de temps en temps. Aussi, hein. C'est important. Ah, c'est important. Faut situer les choses. C'est Monsieur Raffarin, Chasse-Neuil, c'est ça. Oui, oui. Et le Futuroscope mis en place par René Monory. Ah bah c'est ça. Ça n'aura rajeunit pas. Garagiste à Loudun. Bien, il est fort. On apprend des président choses. Président du Sénat. Exactement. 02 43 29 10 10. C'est pas pour rencontrer le président du Sénat ou l'ancien Premier ministre. Ah non, malheureusement. Non. C'est pour aller s'amuser du côté du Futuroscope. Vous nous appelez. 4 personnes. Maintenant. Ah oui, 4 personnes. 2 enfants, 2 adultes. À tout de suite. Le jackpot. 02 43 29 10 10. France Bleu Maine à Sablé-sur-Sarthe. On est bien ensemble. France Bleu. Don't come easy. Words. FR David, Words. France Bleu Men, le jackpot, le jackpot. Avec Julie de Télocher, bonjour Julie. Bonjour Sophie. Oui, mais Emmanuel s'est absenté quelques secondes, mais il est toujours dans le pub avec nous. Puis il y a Polo aussi. Oui, je aussi suis là, vous inquiétez là. Pas, je suis juste derrière vous. Bonjour Julie, Emmanuel est à l'apéritif, faut l'avouer. Oui, c'est ça, il n'a pas pu attendre. Il n'a pas pu attendre la fin de ma mission. C'est embêtant pour ça, depuis 10 heures déjà. Julie, vous avez prévu un week-end, en tout cas un séjour au Futuroscope de Poitiers avec des amis? Oui, entre copains-copines, on a décidé de se faire ça. Eh bien, c'est bien ça, si c'est France Bleu Men qui vous l'offre, c'est encore mieux. Ça, c'est encore mieux, oui. Eh bien, on va essayer, il faut dire stop au bon moment. Vous connaissez sans doute le principe du jackpot, Julie? Oui, oui, je vous écoute, oui. On lance les rouleaux et on y va. Le jackpot. Et c'est Polo qui va compter les jingles, il en faut 3. Ah, oh là là là là là. Terrible. Bon ben ça sera pour une autre fois hein, Julie, peut-être. En tout cas, on vous souhaite un excellent week-end. Merci d'avoir joué avec nous sur France Bleu Men. À bientôt. Merci. C'est ballot quand même pour vous. Ah, c'est ballot. C'est pas terrible en ce moment. Le Futuroscope, c'est pas terrible. Ah oui, voilà, c'est ça. Fallait pas y aller. D'accord. Ok. Prochain jackpot, lundi à 6h50 sur France Bleu Men. France Bleu Men, en direct de Sablé-sur-Sarthe. On est toujours là, hein. Il attend une vidée son verre. On est toujours là, ça. Et il y a Emmanuel juste derrière oui, nous. Oui, non, mais je suis au bar, c'était pour remercier Delphine qui nous accueillait ici. Alors Delphine, elle m'a dit, je suis trop timide, je peux pas parler. Mais non, elle est pas timide. Mais elle veut pas, elle est en train de faire les cafés, elle est en train de travailler. Un mot, Delphine, quand même. Un petit mot, quand même. Non, elle veut pas. Non. Mais en tout cas, les clients, en tout cas, il y a une bonne ambiance ici, au bar. Et regardez, Sophie, je prends une chip. Vous m'en ramenez une? Voilà. C'est l'heure de l'apéritif, quand même. On est bien ici. Donc, on est bien accueillis. Merci à Delphine de nous avoir accueillis. On a passé un super moment ici. Des clients qui sont là, des habitués là. Et puis ce qui est amusant aussi, Emmanuel, c'est qu'il y a des gens qui se connaissaient par l'intermédiaire de la radio. Par exemple, Monique de Sablé, elle entendait Raymond qui habite à Juigné, je crois. Et ils se sont rencontrés ce matin à Sablé dans le pub. Voilà. Et Raymond a dit vous êtes Monique, vous, je vous entends. C'est ça. Et inversement. Agence matrimoniale. Il y a eu des rencontres, peut-être bientôt des mariages, on ne sait pas. Et des enfants. On sait pas. Et des enfants. Sera Polo le parrain. Il nous faut des nouveaux auditeurs à Sablé, hein, ça c'est clair. 105.7 la fréquence. Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a quelqu'un d'autre dans ta glace, entre les potions et les crèmes, tous les petits pots qui s'entassent, tu vois, le temps est passé quand même. On croyait faire du surplace, à ça on s'en est donné de la peine. On se dépense, on se démène, et même sous les pas d'une reine, la grande aiguille se déplace. On va viser l'éternité, On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Entre les chaos du parcours, les demi-tours, les impasses, les grandes nuits, les petits jours et tout ce qui raye la surface. On tombe chacun à son tour entre les griffes du rapace. Le seul remède c'est l'amour d'ailleurs. C'est pour ça qu'on court d'un bout à l'autre de l'espace. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. On n'est même pas pressé. Dans un coin de mes pensées, une vie à t'enlacer, mille fois recommencer. Et c'est pour ça qu'on va rester, rester, rester. J'aurais aimé te la porter sur un beau coussin de dentelle, la niche où se cachent les clés de la mécanique éternelle. Mais l'horloge est hors de portée, et ce n'est pas là l'essentiel. Elle peut continuer de tourner, elle peut tout emporter. Je te trouve chaque jour plus belle. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Rester, rester. On est loin d'être lassé. Rester, rester, rester. Dans un coin de mes pensées, une vie à t'enlacer, mille fois recommencer. On va rester, rester, rester. On n'est même pas pressé. Rester, rester, rester. Pour tous ceux qu'on a blessés, qu'on aurait dû embrasser, autant tout recommencer. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. C'est Francis Cabrel, c'est son dernier titre, ça s'appelle Parti pour rester, Sophie. C'est pas mal, hein, ça sonne bien, comme c'est d'habitude. Très bien. Bah oui, hein. Francis Cabrel, vous aimez ça? Ah bah oui, Francis Cabrel, c'est quand même quelque chose de très très correct, hein. Ça nous change. Moi qui suis pas trop amateur de rap. Merci. Enfin, sur France Bleu, on n'entend pas beaucoup de rap. Voilà, Francis Cabrel sur France Bleu Maine. Avec France Bleu Maine, partez chaque semaine explorer la Sarthe dans Balade en Maine. Une façade 18e siècle, avec un escalier qui est un des plus beaux de France. Des monuments les plus anciens. Ça s'est passé pendant la guerre de Cent Ans. Aux sites contemporains les plus pittoresques. C'est un endroit qui vibre, qui a énormément de sens. Les visites découvertes de Balade en Maine s'écoutent du lundi au vendredi à 6h45, le dimanche de 10h à 11h et à tout instant sur francebleu.fr. France Hello Mélodie, sur France Bleu, Élodie Suigo. La curiosité n'est pas un vilain défaut et ce n'est pas Émilie Gassin qui dira le contraire. La jeune Australienne installée à Paris est une touche-à-tout. Footballeuse, dessinatrice et musicienne, son premier album s'appelle Curiosity. Découvrons-le ensemble dans Hello Mélodie. Hello Mélodie, ce soir, de 20h à 21h sur France Bleu. France Bleu même, partenaire officiel de tous vos loisirs, vous offre Madame Foresti. Qu'est-ce que tu veux savoir? Le One Woman Show à Antares, au Mans, mercredi 8 avril. Dans l'éducation de mes enfants, j'ai jamais fait de différence. Ah bien sûr, je les ai tous élevés pareil, mes fils et mes imbéciles de filles. L'humoriste Florence Foresti partage sur scène ses angoisses existentielles de femme de la quarantaine. Tantôt cliente d'un café, tantôt joggeuse ou encore maman stressée, le show garantit rire et émotion à foison. Florence Foresti à Antares au Mans, mercredi 8 avril à 20h. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Maine. Graver l'écorce, jusqu'à saigner. Passe les jours, vie de sillon, dans la raison, mais sans amour. Passe ma chance, tourne les vents, reste l'absence, obstinément. J'ai Jean-Jacques Goldman sur France Bleu Maine avec Pas toi. Votre après-midi sur France Bleu Maine. France Bleu Maine. C'est tout le monde dehors avec l'ami Fabien Aubryk, Polo, que vous connaissez bien. Ah, tout Fabien. Fabien qui recevra ce soir notamment Cédric Le Breton, le responsable de la communication de l'Arche de la Nature. Beaucoup d'enfants sont attendus dimanche pour la traditionnelle chasse aux œufs. Cédric Le Breton, invité de Fabien, à 17h45. Avec des places de basket aussi à gagner. Puis on parlera théâtre à Voivre-les-Le-Mans. Il y a une troupe qui offre un spectacle. Philippe Girardeau sera l'invité de Fabien à 18h10. Vous écoutez France Bleu Maine, première radio dans le cœur des Sartois. Il est midi. Daniel et Lombroso, France Bleu Midi ensemble.